êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Justine Renaud viendra nous faire tourner un album qu'il a marqué dans Justine aux platines. David Ferron mettra comme toujours la langue dans ton oreille pour te faire entendre la musique franco. Et François André parlera de politique dans sa valeur sûre, le segment Logocratie 101. Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 12 décembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Ah oui, 12-12-13. 12-12-13. Assemblage requis. OK, bon, il a t'arrêté. 12-12-13. Assemblage requis. Assemblage requis, c'est l'émission du matin. Oui. Ah, wow. Bonjour, bienvenue. Salut. Salut. Salut. Aujourd'hui, on a une belle petite programmation pour vous. Alors, ce jeudi matin, on va avoir David Ferron qui va être avec nous à 8h. La langue dans ton oreille, aujourd'hui, il va nous parler, en fait, il va nous faire entendre de la musique jazz de Noël. Francophone. Jazz. De Noël. Ah ouais? Ouais, c'est bizarre comme combinaison, mais ça va être pareil. Francophone. Mais j'ai hâte. Oui, c'est à 8h. Ça va être... je voulais faire un jeu de mots, tu sais, avec quelqu'un qui a vraiment un nom... Tu sais, comme Michael Bublé, ça va être Michael Bubule. Michael Bubule, ma version jazzy de jazz, de Noël. OK. Ensuite, à 8h30, Logocratie 101, c'est la chronique politique, comme à chaque semaine. Et cette fois-ci, on va parler, en fait, son sujet, c'est bilan et de qu'est-ce qu'il dit. OK. Bilan et de qu'est-ce qu'il dit. Je pense qu'il savait que j'allais faire ce... une blague de mauvais goût ouais. Juste avant. Il comprend. Hein. Ouais. Je pense que c'est pour moi. Les quelques jeudis que tu étais là à cette session aussi. Oui. Dernière pin. Dernière. À 9h, Joanie Gagnon et sa collègue. Alors on sort. Alors, on va débuter avec Justine Renaud qui est juste là et qui attend pour pas réagir parce que j'ai pas mentionné son nom. Je retiens mon souffle depuis tout à l'heure. Michael Bubule, qu'est-ce que t'en penses de ça? Savez-vous quoi? Hein? Ma belle-mère, la belle-mère appelle l'autre jour sur le téléphone de la maison, qui c'est quelque chose qui devient rare, puis ouais. elle m'appelle, puis ben c'est pas moi, elle veut pas parler à moi, elle veut jamais parler à moi, elle veut toujours parler à Sarah. Toujours. Et là je dis, oui c'est Justine, elle dit, ah je t'avais pas reconnue. Je voulais savoir, là, pour Noël, là, vous recevez, est-ce que vous vouliez que j'achète un album de Noël? Et elle dit, Michael Bublé. J'ai dit... tu veux, là, fais ce que tu veux. Je vais te le faire entendre, les joueurs radio, là. Fait que là, quand tu as parlé de David Ferron, ouais. La seule affaire qui manquait de jazz Noël, c'était qu'il soit francophone, en tout cas. Donc, c'est pas Michael Bublé, c'est ça c'est l'affaire. C'est Michael Bublé. Non, mais tu sais, ça aurait été parfait avec quelqu'un qui a un nom vraiment anglophone. Oui. Anglophone? Oui, mais tu sais comme... Big Fat Papa avec Double Chin. Oui, genre, là, ça a été Gros-père avec... Double menton. Double menton. Wow. Double portion de viande. Écoute, je peux la travailler, trouver le nom que je veux, fait le gag, puis après ça, vous la rirez. Avec ton bâton dans ton café, est-ce que tu penses que tu peux faire des bulles? Oui, je pense que oui. Ton bâton dans ton café, il faut mentionner qu'il y a des trous dans le bâton. Oui, puis peut-être qu'on pourrait... je pourrais siroter mon café dans le micro cette fois-ci. Ouais, s'il te plaît. C'est chaud. OK. Ah, il est trop chaud, excuse-moi. C'est chaud. Oh, je vois le palais décapé d'ici. Est-ce qu'il y a un infirmier? Infirmière? Quelqu'un? À cette heure-ci, je sais pas. Ah. Mais ce que j'aime, c'est que j'ai baissé le fond avant, fait que je vais pas me resservir de ton bruit de café une autre fois. Je dis mes punchs à l'avant. C'est chaud. C'est chaud. Wow! Quelle belle émission prévue pour vous! Ça part bien. Ça commence extrêmement bien. Contrairement à l'émission, ça commence bien. Aveu. Qui commence toujours mal. Il n'y a jamais rien qui se passe. Oh, aucune complicité. Ça commence pas. Bon, ben on va se starter ça, toi, cette émission-là, directement en chronique. Justine Renaud, vous l'avez entendu, et elle nous présente, comme à chaque semaine, sa chronique Justine aux platines. This music is my getaway. I think about it every day. Let's see what they gonna talk about when I let it all out. Yeah. Est-ce que je suis la seule ou est-ce qu'il fait vraiment, vraiment frais dehors? Frais. OK, je sais, c'est pas partout de ça que ma chronique parle. Là. C'est pas une chronique météo, là, mais... c'est drôle, Justine aux patines. Ah, Justine, oui. Oh, j'ai aujourd'hui Justine patine, hein, s'il vous plaît. Et je voulais juste comme devancer toutes les statuts Facebook, Twitter et autres qui vont apparaître sur le sujet. De, oh mon Dieu, c'est oui. L'hiver. Mmh. Oh, oui. Oh, il fait froid. Non, que, je m'étendais pas cette année. C'est ça. En passant, fait fret. Hein? Puis à matin, ouais, c'est ça. C'est pas le fun hein, pour les douanes. Moi, c'est ça qui m'agace le plus. J'ai beau mettre deux manteaux, trois, quatre, deux soutes de skidou, puis il y a un chien esquimo. Non, c'est des chiens husky, excusez-moi. En tout cas, j'ai tout le temps les doigts qui gèlent. Mm-hmm. Et ça n'a aucun rapport avec... T'as-tu oublié de mettre des gants? Oui, mais en fait, j'en ai juste pas. Ah. Et ça, c'est directement en lien avec Jean Leloup. Bon, Jean Leloup. Le loup husky. En tout cas, bref, ça garde au chaud les soirées d'hiver, mais ça se peut qu'il mange aussi. Donc, ma chronique va porter sur Jean Leloup, un être qui a marqué mon enfance... dans les meilleures façons possibles. Là. C'est pas des façons dark. Bref, la semaine dernière, on parlait de Jean-Pierre Ferland. Fait que j'étais vraiment là, comme rendu là, une évolution dans ma jeunesse où ce que je découvrais le Québécois. Parce que, ouais. Oh mon Dieu, j'ai des racines, puis en plus, on hot. Et avant ça, Lassa de Cella, que ça, c'est pas en tout. Ben, en fait, c'est pas Québécois, mais la fille est montréalaise quand c'est même, là, ouais, même exact. Si elle a des racines mexicaines. Et avant ça, The Cranberries, et avant ça, No Doubt. Fait qu'un peu en ordre chronologique, là, toutes les espèces d'albums qui m'ont fait triper quand j'étais jeune. Et pourquoi c'est des albums? Parce que c'était ma mère qui avait l'argent puis qui achetait des albums. Puis après ça, je tombais dessus puis je les écoutais. C'est ça, le chien. J'étais pas organisée. Là. J'avais pas des playlists sur iTunes, moi, là, quand j'étais jeune. J'avais même pas d'ordi. Donc, Jean Leloup, qui est né Jean Leclerc, bien entendu, parce qu'un moment donné, il a tué Jean Leloup. Il a dit, moi, je vais m'appeler Jean Leclerc, mais oui. Vous allez savoir le punch plus tard que finalement, un moment donné, il a oublié qu'il avait tué Jean Leloup puis qu'il s'est encore appelé Jean Leloup. Est-ce que ça marchait moins à l'époque qu'il s'appelait Jean Leclerc? Je sais pas. C'était pour je ça. Sais pas. Ben, ça se peut, hein, mais il est juste un peu taroin des fois. Je pense qu'il s'enfarge dans ses propres gags, un peu comme moi. Ah! Je sais pas. On a ça en commun. Mais Jean Leloup, bref, qui est auteur, compositeur, interprète, fucké, idiot du village, un peu de tout au Québec, qui est né un petit taureau en 1961. Je veux dire en signe astrologique. Hey, moi, je devrais avoir une chronique astrologie des artistes. S'il bref, à Sainte-Foy, là où c'est le cinéma, où qu'on peut écouter des films en anglais le plus proche de Trois-Rivières. Hein? Et ça, c'était vrai avant que le cinéma Tapis Rouge ouvre, parce que le cinéma Tapis Rouge font maintenant des versions originales en français sous-titrées en japonais. Arrête donc ça, toi. Oui, non, c'est vraiment cool. Ils sont vraiment incroyables, débile. Le Tapis Rouge. Bravo. Débile. Fait qu'avant ça, j'allais à Sainte-Foy écouter des films, là. Des movies. Exactement. Bref, ça n'a aucun rapport. Mais ça m'étonnait de savoir que Jean Leloup était né à Sainte-Foy, parce qu'il me semble qu'il y a plus comme une espèce de vibe montréalaise. De toute façon, il a sacré son camp en Afrique avec sa famille québécoise, où il a habité au Togo et l'Algérie. Et je salue d'ailleurs Imen dans mon laboratoire qui vient de l'Algérie. Bonjour Imen Achou. Hey man. Bonjour. Ayman, exactement. C'est ça. Et c'est durant cette période-là de sa vie qu'on a vu, il a vraiment là, acquis l'espèce de rythmicité de l'Algérie, de l'Afrique, et que ça emprunte beaucoup, ça l'a beaucoup emprunt son album Menteur, qui a produit entre autres deux chansons, Alger et Printemps-été, où ce qu'il parle de poils de noun beaucoup. En tout cas, ben, le poil autour du bikini qui bronze, là. En tout cas, ça m'a vraiment beaucoup marqué quand j'étais petite. Et plus tard, en fait, Jean Leloup aura renié l'existence de l'album Menteur. Menteur, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et aujourd'hui, il ne joue pratiquement jamais les chansons qu'il compose en spectacle après 1989, parce que l'album, son premier album, est sorti à la date de... pas la date de ma naissance, mais bien l'année. Et depuis 1989, c'est-à-dire à peu près le lendemain de la sortie de son album, il les a plus jamais joué. À part Alger et Printemps-été. Et en 1990, on se souvient bien de la chanson en 1990, qui fut un hit en 1991. Ah. Les radios commerciales, c'est comme ça. Exactement. Qui provient de son second album, L'amour est sans pitié. D'ailleurs, 1990, c'est une chanson. Savez-vous de quoi elle parle, la chanson? Pourquoi elle l'écrit? Vite de même. Non. Pas de pièce de robot pour vous, gang. Pas de réponse évidente à donner. Non. C'était suite au déclenchement de l'offensive alliée en Irak qui constituait en fait la première guerre du Golfe. Ah oui. Ouais, golf, dans le sens qu'il y avait des gens qui avaient des clubs, certains avaient fait des birdies, d'autres avaient fait des pars, d'autres ont oublié de dire fire, puis là, ça a créé la guerre du golf. Et cette chanson-là, 1990, a été en fait reprise en clip, tournée par James DeSalvio. Et James DeSalvio, si ça vous dit quoi, c'était quoi? C'est le bonhomme de Branle 23 000. Ah oui! Je voulais juste dire ça. Puis Isabelle, c'est un autre vidéoclip qui est sorti avec cet album-là, qui a aussi été filmé par James DeSalvio. bio. Fait que je trouve ça super intéressant, en fait. Et dans ce film-là, Isabelle, dans le rôle d'Isabelle, Julien Poulain. Non, c'est une farce. Mais il joue dans le clip, pour vrai. Mais je pense pas que c'est Isabelle. Et aussi, un autre fait intéressant, je voulais juste, je sais, je suis pas en train de parler de l'album qui m'a marqué, mais c'était parce que je me suis rendu compte que Jean Leloup, il est tellement intéressant. Ça n'a aucun bon sens. En fait, là, j'ai comme un peu strippé tout ce que j'avais besoin de dire, puis je suis rendue là, à l'essentiel. Mais ces paroles-là sont essentielles, en fait, tout mon radotage. Et... vous vous souvenez probablement de la chanson « Le monde est à pleurer ». Oui. Exquise chanson, à mon avis. Il commence en disant « After one year, after two years, John the Wolf, ha, ha, ha, ha, ha. » OK? Fermez les guillemets. Fait de citation. Je ne sais pas si vous êtes amateur de poésie, mais moi, ça me fait énormément penser à un poème de Sylvia Plath, grande poète américaine du temps de... En fait, elle s'est tuée en 1963. Je ne volais le punch. Puis elle a écrit un poème qui s'intitule « Lady... » Lazarus, comme Lazare, là, le bonhomme qui ressuscite. Là, parce qu'elle, elle a essayé de se tuer un paquet de fois. Puis dans son poème, elle s'adresse un peu de la même manière. Tu sais, comme lui, il dit « After one year, after two years, John the Wolf », parce que ça y a pris tellement de temps à sortir cet album-là qu'il sent... c'est complètement autodérisoire de la manière qu'elle apporte ça. Puis de la même manière que Sylvia Plath apporte le fait qu'elle a raté son coup deux fois de se tuer, elle dit « À chaque 10 ans, j'essaie de me tuer puis je rate mon coup. » C'est comme ça qu'elle part son poème. Fait que, genre, c'est dark. Hein? C'est dark. Là. C'est vraiment dark. Et je voulais juste faire un cheers à tous ceux qui connaissent Sylvia Plath. C'est tellement la meilleure poète du monde. Chin chin. Santé. Donc, Jean Leloup, qui est d'ailleurs né 2 ans avant sa mort, ça n'a aucun rapport avec elle. Et non. On va continuer là-dessus. Sa chanson, Edgar. Edgar. Edgar Frutti. De qui qu'on parle? Un autre poète. Edgar Allan Poe. Ouais. Un morceau de robot. Bon, merci. Un monsieur de robot. Un Mathieu de robot. Pardon, je dépasse. J'ai encore la face gelée. Ça va, c'est de ma tournée avec Annick Jean où est-ce que je me suis pété à Sion. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je prends pas ça de la drogue. Elle, oui, mais je la regardais. Et c'est ça, on était rendu en 1996 avec Le Dôme, un album magnifique, mais malheureusement, c'est pas lui qui a marqué mon enfance parce que je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, c'est probablement celui que j'aime le plus de Jean Leloup. Mais moi, je voulais vous parler des fourmis. Et, bah, pas des fourmis en général. Je peux vous en dire, moi, j'ai la phobie des fourmis en passant. Moi, c'est l'album Les Fourmis sorti en 1998. J'y avais à cette époque 9 ans. Et je sais pas pourquoi ça m'a marqué autant. Probablement à cause des clips qui ont passé là, à la télévision. On se souvient peut-être un peu de « Comme la vie est laide, laide. » Puis tu vois la fille pas belle qui court dans le bois puis son boss qui court avec des pitounes. Ça m'a marqué beaucoup. Et non, c'est ça. C'est un album que ma mère elle a acheté. Puis en fait, sur Internet, il n'y a absolument rien au sujet de cet album-là, à part qu'il est sorti en 98. Fait que ça, on peut dire c'est un peu l'album, un des albums mal aimés de Jean Leloup, parce que c'est sûr qu'après après la Vallée des Réputations, là, c'est allé là, mais en tout cas, moi, son album Exit, j'en ai jamais entendu parler. Il y a eu sa recompilation de Je joue de la guitare qui recompile toutes ses chansons de 1985 à 2003, qui est sorti en 2005, qui est vraiment excellent. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas des nouvelles chansons. Et là, en 2009, Mille excuses, mille idées, que j'ai pas entendu grand-chose non plus là-dessus. Non. Fait qu'on peut dire que Les Fourmis, c'est un parmi ces albums-là qui a pas eu tant de popularité que ça. Cependant, vous avez... absolument déjà entendu parler de la chanson « Je joue de la guitare ». Et on peut d'ailleurs juste commencer en allant écouter cette chanson-là. Ça va vous remémorer de beaux moments. C'est une chanson des plus belles, à mon avis. C'est une des plus belles chansons de Jean Leloup. On va écouter ça, juste pour vous donner une idée de ce qui a chamboulé mon enfance. Oh. Justine aux platines. Platine. Justine aux platines. À quoi je joue? Je joue de la guitare. À quoi je joue? Je joue de la guitare. La solitude parfois est immense, tout plutôt que d'être ce passant qui traverse le temps de temps en temps. Alors je pars à la dérive, mon lit est un navire, un atelier où je vais pour l'éternité. Voyage dans l'instant présent, je ne sais pourquoi je suis si triste. J'aimerais appeler quelqu'un, mais qui Dieu? Je me sens seul, viens, je viens, tout misère. À quoi je joue? À quoi je joue? Je joue de la guitare. Je joue de la guitare. À quoi je joue? À quoi je joue? Je joue de la guitare. Je joue de la guitare. Je sens sens que j'hallucine et j'ai peur de partir comme un fou vers la mort. J'ai des grands instants de lucidité. J'ai des grands instants de lucidité. Et j'ai des grands instants de lucidité. Party system, do it, yeah. Party system, do it, yeah. Choisir entre tous les gens qui m'entourent. Comment faire une telle preuve d'amour? Fuck the system, do it. Fuck the system, do it, yeah. Et j'ai des grands instants de lucidité. Je joue de la guitare. Fuck the system, do it. À la guerre comme à la guerre. Dans son silence, un poisson lune. Philosophe est au fond des brumes. Mais jamais Nemo ne saura les noires pensées du poisson char. Les sous-marins se font la guerre sous les tropiques du cancer. Mais jamais Nemo ne saura les noires pensées du poisson chat. Encore. Mais jamais Nemo ne saura les noires pensées du poisson chat. De fourmis, et quand meurt intersidéral. Les pantalons pleins de fourmis, plein d'affaires pleines de fourmis. Oui. C'était une chanson qui s'intitulait Les perce-oreilles. Non, c'est pas vrai. Les fourmis de Jean Leloup. Et juste avant ça, on entendait Je joue de la guitare. Et savez-vous qu'est-ce qui est vraiment drôle? Ben, en fait, je sais même pas pourquoi je vous parle de moi. Je suis tellement plate dans la vie. Mais j'ai commencé à jouer de la guitare quand cette chanson-là est sortie. OK. Et je joue de la guitare. Pour moi, il y avait vraiment des signes, là, tu sais, là, des messages ostentatoires. Non, subliminaux. Subliminaux sont justement pas ostentatoires, sont subliminaux dans sa musique parce que j'ai commencé à jouer de la guitare à l'âge de, c'est ça, 8-9 ans dans ce coin-là. Donc, puis Jean Leloup, j'en ai joué plusieurs de ses chansons. Et donc, l'album Les Fourmis aura pour moi une représentation très, en fait, littérale dans le sens que je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment une phobie des fourmis. Et l'été, il y avait justement des infestations de fourmis parfois. Mais c'est le cas d'inoffensif, c'est bien les fourmis. Oui, hein? C'est inoffensif, mais je détestais le fait qu'ils puissent monter sur mes bureaux, monter dans mes affaires. Mais tu sais, moi, je mettais comme du tape, là, je suis en train de... Du duct tape, je peux-tu dire ça en mots? Du ruban canard. Du ruban canard. C'est duct comme des conduits, là, plus que comme des canards. Là. Non, je sais. Ouais. Non, les gens écrivent duct tape, D-U-C-K. Non, mais pas pour toi, je sais au public. Ah, public, ce n'est pas du tape à canard. Sache-le. Utilisez un autre tape pour déplumer vos canards, s'il vous plaît. Bref, je mettais le tape à l'envers, à l'entour des pieds de mon lit. Pour qu'elle se colle? Pour... Ben, les fourmis, ils restaient collés dessus, puis ils montaient pas. Mais je vous jure, ça marchait. Fait que si jamais vous avez des problèmes de fourmis, sauf si votre base est comme carrée en mélamine, là, mettez pas du tape à l'entour, ça va juste être lettre. Sauf que c'est dégueulasse, ton tape, hein, c'est ça, avec des fourmis dessus. Hein? Ben là, il y en avait pas plein. Là. C'est pas comme si, genre, les fourmis se ruaient dans mon lit. J'étais pas si... Mais sex là, appeal ils que disent ça, genre, mais... ah ben c'est ça, tu veux me faire ça, check-bang, ils m'ont monté pareil, puis là, ils vont, tu sais. Puis comme un défi que tu leur donnes à mettre un tape, là. Mon Dieu. Ah, ouais. C'est le moment du... Oui. Je veux juste enchaîner. Je sais, là, on va quitter. Là. Je vous jure, là, on quitte le domaine de Justine aux platines. Mais okay. Avez-vous de doux souvenirs de La fin du monde est à 7 heures? Ben, j'en parle parce que c'est Jean Leloup qui a fait la chanson. Mais oui. Oh mon Dieu! C'était bon, hein? Oui. Dedans. Vraiment. Ben, tous les personnages là-dedans sont restés là, dans la mémoire des gens. On les voit encore sur YouTube. Oui, on les voit encore. C'est dommage qu'il n'y ait pas encore. Il n'y a rien qui est sorti là-dessus. Pas de DVD, rien. Puis la qualité, si tu veux écouter ça sur Internet, ça m'arrive souvent, puis c'est atroce. Ouais, le petit monsieur pas de cou, il y a presque un cou, là. Oui. Hein? La petite poffine d'Outremont. Mm-hmm. Quand il éternue, des fois, ça pue. Le petit Nostradamus. Oui. Ah, les chroniques de Bruno Blanchet aussi. Ah, tellement. C'était tellement bonne. Ah, souvenez-vous. C'est cette émission-là avec le studio aussi, là, avec Coucou et Coucou. Là, avec... J'ai oublié tout le géant du château. Le géant du château. Stéphane Crête qui était là. Avec Guylaine Tremblay aussi qui était là. Rendu dans Unité 9. Mais ça a monté t'es d'une perdu couche. Dans la vie, man. T'es rendu détenu. Marais, j'ai jamais dû être au studio. Moi, c'est elle qui est venue gâcher le studio dans la saison 2, je trouve. Sérieux? Arrête pas d'être là. Est-ce que ces entrevues, t'es plate? Ça gâchait le studio, t'avais je des bons sketchs. Je m'en rappelle plus, justement. Mais c'est parce qu'elle, elle faisait l'entrevue avec, genre, bon, un expert en animaux, tu sais. Ou un élève dans une école. Mais en c'est l'air ironique que tu voulais pas voir. Ben, moi, je la skippais complètement. Hein? Oh, t'as skippé! Guylaine Tremblay, skippé. T'avais un TiVo, là. C'est ça. T'étais vraiment très avant-gardiste. Non, je l'enregistrais, j'écoutais pas live. Sur une cassette? Mais c'est une cassette, man! J'ai tout perdu ces cassettes-là. Il était dans un garage à un moment donné, puis ça a pris l'eau à l'hiver. Oh. La neige. qui est aussi ça de l'eau. De la neige. Bref, j'ai perdu ça. Ah. Hey, c'est pour dire qu'on revient à tantôt quand t'as dit ostentatoire. Oui, oh ben, je voulais juste le plugger. On devrait sortir un tatoueur devrait s'appeler ostentatoire. Ostentatoire. Mais il ferait que des affaires religieuses sur ton je corps. Je suis un instantatoire. Instantatoire, tatoueur, instantanément. Oui, je voudrais une burqa. Il fait juste des tatous religieux. Non, mais c'est que, mettons, les femmes pourraient venir là, à la place de porter une burqa, parce que c'est plat de tout apporter une burqa, tu te fais tatouer une burqa dans la face. Oui, toute ta face noire, sauf les yeux. Puis, non? Mm. Ça va trop loin? Non, je comprends ton cheminement intellectuel. Merci. Ou l'absence de... Moi, je la trouvais bien drôle. Moi aussi? Merci. Oui. Merci, Justine, aussi. C'est ça. J'aurais pu l'enlever avec la guitare. C'était le moment d'aller à la pause. Patouche. On est fait trop frais, patine. On vient après avec David Ferron et sa chronique La langue dans ton oreille. Oui, Mathieu. Mais là, Mathieu, il fait tellement frais que c'est comme genre... Il va rester collé. Ça reste glacé, là. Oh, la flamme est sur le poteau. Mettez-vous de l'antigel. Oui. Oh, mon Dieu, j'ai tellement déjà fait ça. Ça fait mal. Faites pas ça. Okay. Les glaçons là, sur le bord des poteaux, faites pas ça. C'est surtout non. S'il y a une fille qui danse à l'entour, faites pas ça. Faites pas ça. Si c'est Miley Cyrus, elle a déjà la langue sortie. Fait que faites juste approcher le poteau. Puis... restez là. CFOU 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour. Il est pas cher. Qu'est-ce qui est pas cher, donc? L'asti. L'asti? Oui. En fait, je mets à l'apostrophe, mais c'est plutôt asti. On est à la radio, man. Oui, je sais, mais c'est un nom propre. C'est quoi? C'est un nom propre. Est-ce que tu veux nous parler de ça éventuellement? Est-ce que tu gardes ça pour plus tard? C'est quoi? Oui, c'est un alcool, hein? C'est ça? Oui. Un alcool. On en parle plus tard. Plus tard. Il est trop tôt. Et c'est pas un sac. Non. C'est parce que c'est son nom. Oui, ouais. Avec un A majuscule. Toujours avec Jean-Philippe Charbonneau. Justine Renaud est aussi là. Mathieu Plante aussi. Merci. Oui. Vrai. David Ferron. Bonjour. Vous allez bien? Oui, t'as l'air gelé. Oui. Par le vent et non par autre chose qui passe dans mes narines. C'est le vent qui passe sur mon visage et non dans les narines. Ça, moi, j'ai rien dit pour provoquer ça. Oui. C'est pas ma faute, ce coup-là. Non. J'ai rien compris. En fait, il fait fret. Oui. Résumons. Bon. Les narines, ils viennent jouer un rôle là-dedans que je comprends pas tout. T'es trop pure et innocente. Ouais, c'est ça. Je suis pas mal innocente. Hey, pour me mettre dans l'ambiance un peu, vas-y. Non, rien, j'ai plus rien à dire. Je voulais qu'on se mette dans l'ambiance pour David Ferron. Vas-y. La langue dans ton oreille juste après. Miam, miam. Keep breathing. j'aurai des mains pour capturer l'espérance. J'aurai des bras pour accueillir la délivrance. J'aurai des pieds pour m'enraciner dans ce qu'il reste debout. L'homme est le plus beau des monuments lorsqu'il se tient debout. J'aurai des mains pour la jachère, la résistance. J'aurai une voix pour fuir la guerre du silence. J'aurai des pieds pour m'enraciner dans ce qu'il reste debout. L'homme est le plus beau des monuments lorsqu'il se tient debout. J'aurai des pieds pour m'enraciner dans ce qu'il reste de nous. L'homme est le plus beau. Qu'il se tient debout. J'oserai ce lieu, ce ciel enfoui sans épitaphe. J'oserai le vœu de mon pays pour qu'il sache que j'aurai des pieds pour m'enraciner dans ce qu'il reste de nous. L'homme est le plus beau des monuments lorsqu'il se tient debout. David et les bois. Oui. C'était la pièce Feu Follet. Assemblage requis. Pour nous introduire tranquillement. Et voilà. Pour, c'était tout ça? Non, je pense que c'était autre chose. Je pense que tu nous as préparé quelque chose d'autre. Ah, c'était tout ça? Non. C'est ça. En tout cas, bref, peu importe. C'était quelque chose, assemblage requis. On va passer à un autre quelque chose pour après ça revenir avec quelque chose qui n'est pas nécessairement quelque chose. Moi, je te dirais que c'est un genre de... Le fer, on s'en vient avec la langue dans ton oreille. On écoute Panache. Voici Léa dans les magazines. Ça, c'est fou. Bon, ça va. Léa dans les magazines, Léa dans la radio, Léa, beaucoup d'idées, et là c'est Mercedes. Léa dans les magazines. De panache. Oui, assemblage requis. Maintenant, le moment tant attendu, celui qu'on a remis à plus tard sans cesse. Le voici, c'est David Ferron et la langue dans ton oreille. Oui, il t'a manqué. Ah, tellement, je m'ennuie à chaque fois. À chaque fois qu'on n'a pas le petit chat, ça me rend triste. C'est pour ça que je fais la chronique. C'est ça, c'est pour ça que tu viens. Ouais, à cause du petit chat. C'est pour ça que je viens, à cause du petit chat. OK. Donc, David Ferron, la langue dans ton oreille, ta chronique sur la musique francophone. Et aujourd'hui, tu nous présentes la musique de Noël. T'es le premier à le faire. Oui, je le sais. Et non, ne me lancez pas des grenades, quoi que ce soit. Des boules de Noël. Des boules. Dynamité, non, pas du tout. Au contraire, ce que je vous présente, je suis sûr que vous allez aimer ça. Vous allez faire « Ah, mais ça sonne pas du tout comme ce qu'on attend dans une station de radio qui pourrait ressembler à Bleu FM. » Bleu FM. Ouais. Oh, c'est au Saguenay, hein, c'est ça? Ouais, c'est Bleu, ça. Bleu FM. Bleu FM. Ou Jaune FM. Bleu ou... ferme. Il ferme. Eh, bonne, Mathieu. Merci, ça me fait plaisir. Donc là, je vais vous parler du projet Dolce Vita, qui est en fait un album. En fait, le groupe s'appelle Dolce Vita et ils ont sorti un album qui s'appelle Noël ancien et traditionnel. Le groupe est formé de Denis Doucet à la clarinette, plus la réalisation, avec Gaëtan Rouleau à la guitare, Natalia Kononova au violon, Stéphane Johnson à la contrebasse et Philippe Bournival à la réalisation. Et là, j'ai eu l'occasion d'interviewer Denis Doucet et Gaëtan Rouleau qui ont été très gentils, qui ont été très généreux dans les réponses. Il a même fallu malheureusement que je coupe un peu là-dedans parce que... Trop volubile, ça passe. Non, mais c'est mieux de même que pas assez. Tu fais comme, ah, comment on va enrichir l'entrevue? Oui. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter la première partie de l'entrevue. C'est-à-dire qu'on va savoir comment ils se sont formés. Et le groupe, la Dolce Vita, va nous décrire leur style musical. Et on va écouter une chanson qui s'appelle Noël d'Ukraine. On écoute ça? Oui. Donc, Natalia et moi, on travaille à l'Orchestre symphonique de Longueuil depuis plusieurs années. Et puis, on a commencé à faire un trio ensemble avec une pianiste dans un autre créneau. Et puis, Gaétan et moi, on joue à la Basilique depuis de nombreuses années dans le cadre de Noël. Il y a aussi des messes musicales depuis le dimanche matin. Et puis, Stéphane Johnson, c'est un contrebassiste qui s'est joint à l'ensemble La Dolce Vita, qui est au départ un ensemble de jazz manouche avec accordéon. Il s'est joint à nous il y a deux ans et demi, je crois. L'idée du disque a pris naissance là à partir des arrangements de ce qu'on jouait déjà au Sanctuaire, un petit peu. Et puis là, Denis a eu l'idée de faire un disque avec ces arrangements-là et de rajouter un élément un petit peu manouche, un petit peu Europe de l'Est, là. Puis l'intégration de Natalia, il a joué pour beaucoup parce qu'elle est russe, elle vient de Saint-Pétersbourg. Donc, elle a ça un petit peu dans le sang, je dirais, là, ce son, cette sonorité un peu. Et moi, je suis guitariste, je fais du rythme manouche dans ces arrangements-là qui sont à la fois classiques et manouche, là. Donc, c'est vraiment un métissage ou un mariage là, qui donne des résultats surprenants, mais... On est très fiers, en tout cas, du résultat. Mais c'est plus que manouche certaines pièces, comme Les Anges dans nos campagnes, Saint-Berger, les pièces traditionnelles. Là, on a une pompe manouche, mais dans d'autres pièces comme Iesu à Antonia, le Noël Huron. Dans ce cas-là, on a une rythmique qui est plus rock'n'roll, plus rock. Ben oui. Et puis dans la pièce Veni Pastor, qui est un Noël ancien, c'est plus pastoral, médiéval un peu. Dans Quel est l'enfant, à la fin, c'est une rythmique jazz, waltz jazz, la jazz valse, la valse jazz. Donc ça, c'est le travail rythmique est varié. Il y a un aspect manouche. Quand on fait, nous, en quatuor avec accordéon, avec Philippe Bournival, l'accordéoniste, là, on fait vraiment du Django Reinhardt. Alors, on fait de la musique traditionnelle manouche, encore plus traditionnelle que Lost Finger, qui c'est plutôt des adaptations à la manouche. C'était Noël d'Ukraine, interprété par le groupe Dolce Vita. Et ce qu'on a entendu avant la chanson, c'était en fait comment les membres du groupe s'étaient formés et une description du style qui peut évoquer le jazz manouche, surtout avec la guitare et même la contrebasse. Mmh. Et là, en deuxième partie, c'est qu'on va entendre comment Philippe Bournival, qui est le réalisateur de l'album, et le groupe ont réussi à rendre, à personnaliser les chansons de Noël qu'on entend tout le temps à la radio, ou même qu'on entend moins souvent, mais qu'on entend et qu'on fait comme « Ah non, pas encore cette année », alors que là, on fait « Waouh, c'est super bon, c'est super original », parce que vraiment, ce que le groupe a voulu faire, c'est que les gens fassent « Ah ben, je savais pas que les anges de nos campagnes pouvaient se jouer de cette manière-là ». Et là, on va voir le processus de comment ils ont réussi à personnaliser ces chansons-là, à se réapproprier ces chansons de Noël-là, pour qu'ensuite le public écoute ces chansons-là et les apprécie. Et là, on va écouter une chanson qui s'appelle « Les anges dans nos campagnes ». Là, vous allez être surpris parce qu'au début, on fait « Non, c'est pas les anges de nos campagnes, ça, pas en tout. » Ben oui. Oui, ça l'est. Okay. Oui, je vous dis. Donc, on va les écouter pour être sûr que ce que je vous dis, c'est la vérité. on a pris ses arrangements musicaux, pour, okay. on a pris les lignes de violon qu'il avait composées de clarinette, puis on a adapté ça à notre ensemble, dans le fond, et ça a donné un résultat que Philippe lui-même a trouvé très intéressant. Il y en a une pièce aussi, Allons à Bethléem, qui a un style oriental. Vraiment, mais moi, j'aime beaucoup le métissage, là, puis c'est vraiment un métissage entre la culture occidentale. Ça sonne un bout là, très, très classique, très solennel. Et tout à coup, on a des rythmes et des sonorités là, vraiment à l'oriental. On s'est inspiré un peu là, de vraiment du titre, Allons à Bethléem, donc les rois mages là, qui viennent d'Orient. Alors, on insère un petit peu ce style-là, ces rythmes et ces sonorités orientales un peu. Ça fait un résultat qui est surprenant. Que les gens, même les Noëls anciens, les gens vont reconnaître les airs. Ils ne se souviendront pas du titre ou des paroles qu'ils chantaient à l'époque, des pièces en latin, des trucs comme ça, mais c'est de le voir de la façon que c'est amené, ben, c'est différent, c'est très varié aussi. Et puis, on s'est bien amusé, on a adapté ça à notre sauce, comme on dit, on a été plus loin que... Mais, bien sûr, à la base, c'est les arrangements de Philippe, c'est ça qui est la matière, les lignes qu'il a écrites, qui sont d'une écriture, d'une finesse. C'est populaire dans le sens que c'est pour grand public, parce que c'est des airs connus, mais en même temps, il y a un raffinement là-dedans qui donne une qualité là, d'un album de musique classique. Il y a certaines pièces aussi qui s'annoncent un petit peu comme un jeu pour l'auditeur, c'est-à-dire, on a le titre, mais on ne reconnaît pas la pièce au point de départ. Et peu à peu, si on fait ce jeu-là en faisant des spectacles, là, des gens, ça leur dit quelque chose, mais ils ne reconnaissent pas encore l'air. Mais c'est une ambiance qui nous amène peu à peu vers le thème qui apparaît graduellement. Ça aussi, c'est intéressant. Ça fait un peu musique de film, là, un petit peu là, d'ambiance. Là. Là, dans Les Anges à nos campagnes, au début, la rythmique de Gaétan et Stéphane, on dirait que c'est un traîneau qui dévale des pentes dans la neige, puis on voit en arrière-scène des enfants qui patinent. Ça, c'est le violon puis la clarinette qui glisse sur la glace doucement, qui s'entremêle. C'est vraiment d'une écriture. Ouais. Puis les gens peuvent chanter par-dessus l'album. Donc, en faisant leur sapin de Noël, ben, ils peuvent mettre la musique puis ils se mettent à chanter. Ils sont accompagnés par un groupe, dans le fond, un groupe très original avec plein de couleurs, tout ça. Un petit orchestre instrumental classique, symphonique, la clarinette et le violon, ben oui. Et avec une rythmique très variée à la manouche, etc. Alors, donc, ça fait... c'est du très original, comme on dit. On n'a pas, je pense qu'on n'a pas entendu ça. On entend des fois de la musique de la Renaissance ou médiévale qui font de la musique de Noël, ouais. Mais on sent que c'est de la musique de Renaissance. C'est très original, mais c'est tout à fait Renaissance. Alors que là, nous, c'est comme un peu intemporel en même temps, on dirait, à cause de ça. Thank you. c'était Les Anges dans nos campagnes du groupe Dolce Vita. Et ce qu'on a entendu avant la chanson, c'était en fait comment le groupe s'était approprié des chansons classiques de Noël. Et là, ce qu'on va entendre, en fait, c'était comment les membres du groupe et Philippe Bournival, qui est le réalisateur, ont choisi leurs chansons. Parce que dans l'album, il y a 14 chansons, mais ils ont eu le choix entre 100 chansons. Mmh. Donc, comment couper là-dedans et qu'est-ce qu'on doit choisir et qu'est-ce qui a déterminé ce choix-là? Eeny, meeny, miny, moe. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est aussi plaisant que ça. Ah? Oh? Oui, tu vas découvrir ça, Justine. Oh, rare. Oui. Je sais pas c'était quoi ce bruit-là. Bruit de suspense. Et là, ce qu'on va entendre, on va entendre une chanson qu'on connaît pas beaucoup. C'est, je vais essayer de bien le prononcer parce que c'est en huron. C'est Jesus Haha Tonya. Philippe Bournival est extrêmement là, prolifique. Là, je veux dire, il produit beaucoup. Il a fait beaucoup d'arrangements sur plusieurs pièces pour justement avoir beaucoup de choix au moment des célébrations au sanctuaire. Donc, déjà, on avait, en partant, tout ce choix-là de pièces de Noël. Il y en a énormément. Tu sais, on entend beaucoup là, les mêmes là, à la radio, mais ben ouais. Il y en a énormément, énormément. Donc, le choix était immense, immense. Et puis l'année passée, en trio avec Stéphane, Gaétan et moi, on a fait une version... J'avais déjà une idée de faire ça, sortir ça du sanctuaire et de faire ça pour le public. Alors on a fait des concerts à trois où on avait déjà choisi le répertoire qui est pas mal sur l'album. C'est les pièces qu'on préférait. Et puis on les a jouées 7 fois en concert dans la région. On faisait chanter les jeunes à la foule. Mmh. Les gens embarquaient. Alors c'était des beaux concerts. Puis de là, après ça, est venue l'idée de faire le disque, de prendre justement les pièces qui avaient en concert le mieux marché. Alors donc, c'est pour ça que Izu et Atonia est la 14e pièce et la dernière de l'album. Parce qu'en spectacle, c'est la dernière pièce qu'on fait en concert, parce qu'on fait taper les gens dans les mains, parce que c'est un peu rock. L'idée aussi de l'agencement des pièces sur l'album, c'est fait en fonction des spectacles. C'est comme un ordre de spectacle, dans le fond. Et d'ailleurs, dans l'enregistrement qui est exceptionnel de Sébastien Déhay, la qualité d'enregistrement, il y a un côté live, justement. C'est comme si on fait des versions live. Ce qu'on entend, c'est pas des montages en studio. C'est vraiment des versions comme si on était en concert et c'est une version spontanée. On a enregistré... On a fait une répétition de 3 heures. On a fait 3 jours d'enregistrement. On faisait 2 ou 3 versions de chaque pièce. On prenait absolument la première... Thank you. On a un spectacle en janvier, le groupe Les Femmes Dynamiques du Cap de la Madeleine. Mais il y a aussi là, une série de concerts qui, normalement, ont lieu surtout l'été. Mais cet hiver, on en a aussi. On a un spectacle à la Maison des spectacles sur la rue de Sienne, à Trois-Rivières. Salon des concerts au mois de mars. Les cocktails, on les fait des fois avec Philippe Bournival à l'accordéon et des fois avec Jérôme Champagne qui vient jouer avec nous comme invité, un accordéoniste du coin aussi. Et puis, on a aussi, bien sûr, comme projet l'année prochaine, à l'automne et à l'hiver, décembre, de faire une tournée de concerts encore plus grande. On a fait 6 cette année dans la région. Un lancement à Montréal qu'on a fait, puis là, on prévoit de faire des concerts avec des chorales. Il y a déjà des chorales qui ont été approchées, qui ont accepté. Donc, on prévoit de faire relancer à nouveau l'album, le remettre à l'hiver prochain, bien sûr, un nouvel élan. Alors, c'était les membres, en fait, 2 des 4 membres du groupe Dolce Vita qui nous ont parlé de leur projet futur avec Dolce Vita. On a entendu avant ça Jesus Haha Tonya. Et avant la chanson, on s'est entretenu de la manière dont les 14 chansons sur l'album Noël anciens et traditionnels ont été sélectionnés parce qu'il y a eu un choix de 100 chansons. Fallait en choisir quelques-unes parce qu'on pouvait pas faire 100 chansons pour un album. Ça rentre pas. Malheureusement, donc, il y a eu 14 chansons, mais 14 excellentes chansons qui vont, pour ceux et celles qui en ont assez, des chansons corporatives ou trop cocooning de Noël, eh bien, voilà une bonne alternative que vous pouvez vous procurer sur Archambault ou encore sur le site de la compagnie qui produit l'album, c'est-à-dire Contrast, www.contrast.com. Et pendant le temps des fêtes, le groupe ne donne malheureusement pas de spectacle parce que leur tournée de spectacle est déjà terminée, mais c'est parce que les membres du groupe sont très occupés, dont la violoniste Natalia Kononova qui joue pour les grands ballets. Donc, c'est tous des musiciens chevronnés qui ont soit joué pour des groupes, pour des quatuors, soit pour des orchestres. Donc, c'est 4 musiciens vraiment excellents. Et les 2 membres que j'ai interviewés, c'est-à-dire Denis Doucet et Gaëtan Rouleau, ont été très sympathiques. On a beaucoup parlé avant l'entrevue, après l'entrevue également. Donc, c'est vraiment un véritable bonheur de les avoir parlé. Belle petite trouvaille. Oui. David Ferron. Oui. Merci. Ben, ça me fait plaisir. À la semaine prochaine pour une autre chronique La langue dans ton oreille. Si tu veux. Oui. Le chat va être encore là. Le chat, le petit chat. On t'appelle le chat maintenant? Pourquoi? Ben, parce que tu griffes tout le monde dans le dos? Non, je gratte les gens dans le dos. Touche pas à François Landry. Touche pas à notre François Landry, c'est nous autres qui va y toucher tout le temps. OK. Hein? on dit que non. donc, à la semaine prochaine, David. Oui, je vais trouver un bon concept comme les autres semaines, puis comme cette semaine. Génial, j'en doute même pas. Ouais! Qui doute de ça? Qui veut quelqu'un doute? Non, parfait. Good! On prend une pause. On finit avec François Landry, Logo Classé 101. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis, il est Jean-Philippe Charbonneau. Et il est Mathieu Plante. On a toujours aussi Justine Renaud avec nous. Oui. Comment? Ah, oui. Oui, on a changé les choses. Ouais, on a changé les affaires de place, hein, je pense. Oui, c'est ça. C'est pas grave, on aime ça. One, two, testing. One, two. Ben, bonjour. Bonjour. Mais c'est François Landry. Ben oui. Incroyable. C'est le chroniqueur du jeudi avec sa chronique politique que le goût crassi sont eux. Hein? S'il vous plaît. Collègue. S'il vous plaît, gardez vos brassières. C'est François Landry. Mathieu, garde ta brassière. Collègue, faudrait peut-être. S'il vous plaît. Le début est solennel. La pompe royale. François Landry, bonjour. Mathieu Plante, bonjour. Mm-hmm. Jean-Philippe Chavalo, bonjour. Moi-même, Madame Justine. Bonjour. Hein? T'es solennel. Exactement. Aujourd'hui, c'est bilan et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi ça? Des fois, tes écoutes, tu dis, qu'est-ce qu'il dit? What the fuck? What the fuck? Oui. Donc, oui, je voulais faire un bilan, puis en même temps, finir sur une note plus sucrée. Hein? Okay. On parle de fudge. Parce que c'est ma dernière chronique de l'année. Oui, puisque je tombe en vacances jeudi prochain. Jeudi prochain, je vais pouvoir vous écouter en direct de chez nous. Oh! Sur mon oreiller. Pyjama. Ouais, je dors pas en pyjama. Oh! Toi aussi, tu dors tout nu. C'est le fun. Tout le monde tout nu! Par tes pyjamas. Donc oui, je voulais faire un bilan des chefs des partis politiques au Québec qui sont à l'Assemblée nationale. Parce que je voulais pas parler de Zol Zanetti, le nouveau chef de l'Option nationale, puisqu'il n'a pas encore fait ses preuves pour Tipit. Seul les gobelets, comment? Ouais, Zol Zanetti. Les seules années 90? Comment? Arrête de me fourrer. Hey, on est tout nus. Tout est permis en bas de la ceinture. Donc, Pauline Marois, la première ministre, n'est plus tout à fait la même depuis qu'elle a fait son entrée à l'Assemblée nationale. Depuis la reprise des travaux en septembre, elle se montre beaucoup plus habile et plus à l'aise pendant la période des questions. On la voit beaucoup moins nerveuse et hésitante. Pauline Marois mesure mieux les ingrédients qui sont nécessaires pour répondre de façon efficace. Elle est efficace, je le mets en guillemets, à la radio, on le voit pas, là, mais quand même de manière efficace. Bon, c'est pas les réponses qu'on veut qu'elle donne, mais elle donne des réponses. Une dose d'attaque, quelques éléments de réponse, souvent suivis d'une question pour souligner les contradictions de ses adversaires politiques, font de elle une bonne politicienne, une bonne chef. T'es forcé de l'admettre. Je suis forcé de l'admettre, oui. Donc, elle se montre beaucoup plus prudente avec la presse parlementaire. Par contre, on le voit, Stephen Harper a développé une recette qui dit « Je ne veux pas de journalistes qui me posent des questions » et Pauline Marois tente d'aller chercher la même pas protocole, mais la même manière de le faire avec les journalistes, c'est-à-dire vous ne me posez que des questions sur l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui, non pas sur qu'est-ce qui se passe dans la vie. Donc, pas un contrôle freak des médias, mais ça... Elle veut un petit peu guider les questions qui vont être... orienter les questions, du moins. Donc, la raison paraît fort simple. Madame Marois établit aisément... pardon, j'ai sauté une ligne. C'est ça, parce qu'elle se fait piéger facilement. Et donc, au lieu de se faire piéger, elle dit « Moi, je veux piéger mes adversaires. » Donc, en contrôlant la question, elle peut contrôler les réponses qu'elle donne. Donc, les réponses qu'elle donne, c'est souvent des questions ou des attaques envers ses adversaires qui sont Parti libéral, donc Philippe Couillard et François Legault de la CAQ. Mais les journalistes sont pas cons. Hein? On peut bien dire ce qu'on veut d'eux autres, mais ils sont pas complètement caves. Ouais. Mais en même temps, ils sont beaucoup plus exigeants envers elle du temps qu'elle était députée de l'opposition, donc chef de l'opposition. Donc, les journalistes, ils font leur job quand même. Ils savent contourner, ils savent se foufouler entre les cracks du système. Donc, ils savent comment agir. Entre quelque chose avec Parois, Marois, hein, faites votre propre gag. Là. Parois, Marois, il y a une division. Quelque chose comme ça. Oh, oui, c'est la fameuse journée à porter votre gag. Génial. Donc, il y a une chose qui n'a pas changé. Par contre, Pauline Marois demeure une femme animée de principes, mais en revanche, elle défend très peu de ses propres idées. C'est très rare qu'on la voit défendre ses idées à elle. C'est toujours des principes qui vont guider la société ou ses députés qui vont amener quelque chose et elle va monter au créneau pour les défendre. Mais on ne sait pas ce que Pauline Marois veut en tant que telle. Donc, cette femme que plusieurs membres de son caucus actuel ont voulu dépouiller de son titre de chef à plusieurs reprises. On se souvient de la saga Pauline Marois, Bernard Drainville qui était rué dans les brancards. Donc, elle est parvenue à assurer tout de même une cohésion assez exemplaire chez sa députation et auprès du gouvernement. Donc, elle est là, elle est légitime, elle est solide comme le roc. Et d'ailleurs, on l'avait appelée la dame de béton en début d'année. Oui. Mais avec la pyrotite qu'on a à Trois-Rivières, il y en a qui faisaient des jeux de mots assez... style Mathieu Plante, genre. Ouais, Mathieu, oui. C'est ça. Des plantismes, des plans... Mathieu Plantisme. Genre, c'est comme à Noël, tu sais, à Jérusalem, il y avait les rois mages, tu sais, qui venaient apporter des cadeaux, là. À la place, elle, c'est des marouages. Des marouages. Genre, fait que tu vois, ce genre de gag-là. Ce genre de bas étage-là. Genre. comme dans les marais, marois. Oh, ça, OK. Ouais, c'est mieux. Ouais. Philippe Couillard, notre petit nouveau. En novembre, le chef Couillard, oui, a fait face à deux crises. On en a parlé les deux dernières semaines, Mathieu, tu t'en souviens bien? Ben oui. Fatima Oda-Pépin et l'autre que je me vois même, je pense. Attends un peu. Je la laisse mettre, là. Ouais. La charte. Ben oui, la charte. Ben oui, Fatima et la charte. L'une sur la charte des valeurs et le tchanard avec Fatima Oda-Pépin et l'autre sur l'atteinte du déficit zéro. Oui, mm-hmm. On s'en souvient que Phil Couillard avait corroboré les dires du PQ. Oui. Donc, le parti d'opposition était du même avis que le PQ. Chose inusitée quand même au Québec. Et ça, c'est pas le PLQ en fait qui était d'accord. C'est Phil Couillard qui a juste dit qu'il y avait que Nicolas Marceau avait raison. Donc l'exercice a été laborieux dans Marceau les deux. Marceau puis l'ami. Oui. Oh. Il y en a même petit pas peu d'amis. À délai, mais je trouve ça drôle comme mot. Oui. Marceau puis l'ami. Ah, Mathieu, t'as l'air d'avoir eu de l'illumination. Oui, là. Je sais, puis je t'ai coupé dans ta phrase. Je serais vraiment déçu de pas la rire. Vraiment pas. Sa queue est pas si longue que ça. Oh! Ouais. Mais il est jaune. Donc, toutes les circonvolutions qu'on a fait autour du déficit zéro ont rappelé à Philippe Couillard qu'il avait encore beaucoup à apprendre sur la manière de parler, de réfléchir en chambre et surtout de dire toujours le contraire de ce que le PQ dit. Oui. Hein? Moi, j'aime pas ça, cette façon de faire-là. Je vais t'interrompre, là, je trouve ça complètement immature. Raconte. Si là, il y a une... Tu sais, admettons là, qu'on dit, là, genre... Ah, il faut sauver la vie de telle personne, puis que l'autre est sur l'autre côté. Je dis, non, il faut le tuer, même s'ils sont pour la survie de cette personne. Tu sais, je comprends pas cette espèce de confrontation-là, tout le temps acharnée. La troisième voie, ça serait nous allons créer un comité qui va réfléchir à ça. J'espère. Un rapport va se faire. Et là, le rapport va être entre les mains d'un autre comité qui, lui, amènera une pensée à l'Assemblée nationale. Et là, le caucus prendra la décision. Ensuite, le caucus va amener ça à l'Assemblée nationale. Il y aura un projet de loi. Ensuite, une étude en commission. Et ensuite, une loi. On va être un million. Là, trois ans entre les deux. Ça, donc, la personne est gouvernement, morte. Puis le gouvernement a changé. Voilà. Tout c'est, même la politique. C'est ça, la politique. Donc, il avait affirmé, Phil Couillard, que le déficit serait long à résorber, donnant ainsi raison au Parti québécois qui disait que d'ici deux ans qu'on pourrait le faire, et non pas en ce moment-ci. Donc, il aurait fallu trois députés libéraux, des grosses pointures pour venir pas défendre leur chef, mais dire « Non, Philippe Couillard, c'est pas ça qu'ils ont voulu dire. C'est autre chose. C'est, vous avez... Il a été mal cité. Hein? » Ça, on connaît ça. Dans le cas de la charte des valeurs, c'est bien plus embêtant. Jusqu'à nouvel ordre, le PLQ n'a pas de position claire dans ce dossier. Qui plus est, Philippe Couillard a semé le doute parmi ceux qui adhéraient à la vision simpliste. Simple. Simpliste, ouais. Simple et clair. Simple d'esprit. Ouais, ben, simpliste, c'est genre tout le monde. Ah ben, c'est quoi tout le monde? C'est qui? C'est quoi? C'est comment? Tout le monde. Donc, vers qui se tourneront ceux qui refusent toute interdiction des symboles religieux dans le secteur, justement, dans le secteur public? Et ces anti-chartes de valeurs semblent faire partie de la clientèle électorale naturelle du Parti libéral. Donc, tous ceux qui sont contre la charte, est-ce qu'ils vont aller vers le Parti libéral? Philippe Couillard fait le pari que oui. On s'entend que la moitié des gens qui votent QS sont aussi contre la Charte des valeurs québécoises. Il y a à peu près 30% des péquistes qui sont contre la Charte des valeurs québécoises en tant que telle, plus tous les indécis. Tu sais, la majorité du monde qui vote sont des indécis. Donc, le pari de Couillard, il va falloir qu'il soit peaufiné un peu, là, qu'il soit raffiné. Donc, François Legault, notre cher François Legault, est-ce qu'on en a entendu parler cette année? Donc, le chef de la coalition Avenir Québec n'a pas ménagé ses efforts pour s'attirer l'intérêt du public, notamment avec la publication de son livre, Le Projet Saint-Laurent. Ce genre d'ouvrage ne peut pas avoir un effet direct et immédiat sur les intentions de vote. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un ici l'a lu? Non. Puis jamais. Est-ce que vous allez l'aider pendant le temps des fêtes parce que vous allez le recevoir en cadeau par ma tante Ginette, là. Ça, c'est ça que je m'en allais dire. Et avis à tous ceux qui écoutent, là, je veux pas recevoir ça en cadeau. Là. Si je te pige dans mon échange, oui. Je te donnerai celui de Stephen Harper. Oui, ça va manquer. 40% de rabais en passant dans la bonne librairie. Ça se vend bien. Oui, tout à fait. 40% Stephen Harper, 40% des intentions de vote. Oh! Il aime ça. Il aime ça, son 40. Le livre de François Legault est plutôt un outil pour donner de la crédibilité et de la substance au chef et à sa formation politique, parce qu'à travers les médias, ça ne passe pas, le discours ne passe pas. Donc, les deux en ont bien besoin, car la démarche de Legault est tout de même assez présomptueuse. Donc, lui qui se dit « on n'est ni de gauche, ni de droite, ni fédéraliste, ni nationaliste, tout ce qu'on veut, c'est réduire la taille de l'État ». Mais, François Legault, conséquent comme il est, avec le projet sur Saint-Laurent, c'est beaucoup basé sur l'État. Donc, l'interventionnisme étatique est à son apogée ici dans son livre. Et avec toutes les commissions qu'il va falloir qu'il crée, puis tout le BAP pour le Bureau d'audience publique sur l'environnement, et bon, toutes les zones agricoles protégées, ça relève de l'État. Donc, François Legault est très cohérent avec lui. Réduisons l'État, mais imposons mon projet. Ça marche pas. Okay. Hein? sais, donner d'une main pour reprendre de l'autre, ça marche pas, François. Françoise David, la petite nouvelle, la petite dernière, la petite juvénile, celle, par contre, qui, selon les sondages, est la personnalité politique la plus appréciée au Québec. Ah ouais. Certain. Oui, il y a eu un sondage léger, puis il disait qui est votre personnalité, et elle arrive première, loin devant la deuxième position, qui est... Je m'en souviens plus. C'est pas Pauline Marois, je pense, c'est pas Philippe Couillard, mais Bernard Drainville, Jean-François Lisée, quelque chose en même. Donc, la porte-parole de Québec solidaire, Françoise David, a su attirer l'intérêt et la sympathie des électeurs. Ça a été le cas lors du débat des chefs. On s'en souvient qu'elle a fait très bonne figure. Et c'est notamment grâce à ce débat-là que QS a établi sa crédibilité dans l'opinion publique de ceux qui n'appréciaient pas vraiment un parti de gauche à Québec. Donc, et cette sympathie ne s'est pas démentie depuis son arrivée, tel que le sondage nous l'a montré dernièrement. Néanmoins, Mme David n'a pas encore trouvé ses marques au Salon Bleu. Elle semble hésitante, elle semble des fois pas naïve, mais débutante. Pas amateur, ça serait péjoratif, mais au moins débutante. Un manque d'expérience. Puis oui, il faut l'admettre, c'est une game politique à l'Assemblée nationale. Il y a tellement un long protocole à suivre, à respecter, et tout le monde s'en fâche. Moi-même, qui est un freak de politique, je comprends pas tous les rouages à l'Assemblée nationale. C'est difficile à comprendre. Les marouages. Je l'ai déjà fait en toi avec Roi-Mage à l'envers, mais c'est le même mot, mais ça veut dire deux affaires. Même clic. Son collègue, par contre, Amir Kadir, s'efface de plus en plus chaque jour. Je sais pas incroyable, si c'est incroyable. On en entend beaucoup moins parler, et on sait qu'Amir Kadir rêve de redevenir médecin à temps plein, donc il pratique la médecine à temps partiel à Maisonneuve, sauf que c'est pas un député, c'est un activiste, c'est un militant, et là, avec sa job de député qu'il adore, et il confirme à chaque fois qu'on le rencontre, mais ça lui manque. L'aspect proche des gens, là, l'aspect concret lui manque beaucoup. Donc, le véritable défi pour François, c'est de gagner l'adhésion des électeurs aux politiques de Québec solidaire. Et à cet égard, on paraît loin du compte. 10% dans les sondages dernièrement. Donc, le dossier de la charte des valeurs ne facilite pas les choses parce qu'ils sont tiraillés eux aussi. La moitié sont pour la charte, l'autre moitié sont contre la charte. Donc, et l'arrivée d'un nouveau porte-parole, Andrés Fontesilla, ne semble pas avoir grand effet tangible pour l'instant. On ne sait pas encore c'est qui cet homme-là, à part ceux qui s'intéressent à la politique, évidemment. Donc, il n'a pas encore réussi à marquer le parti comme Amir Kadir l'avait fait dans le temps de la fondation du parti. Maintenant, la section gâteau qu'on se garde pour la fin. Okay. De qu'est-ce qu'il dit? Ce sont de véritables citations des politiciens en chambre. Donc, on s'entend qu'ils n'ont pas de télésphore devant eux. Donc, soit ils improvisent, ils bafouent. Et c'est pour ça que je me suis dit, ici, dans une émission matinale où les animateurs quotidiennement bafouent. Arrête donc de nous accuser de Non, du tout. C'est que je vous élève au même niveau que les politiciens. Ah oui, c'est un compliment. OK. À quand notre livre, Mathieu? Ouais. À quand notre livre sur le hockey? Donc, en chambre, le leader parlementaire du gouvernement, Stéphane Bédard, a résumé une ambition fréquente des hommes et des femmes en politique. Et là, je cite, « Je vais essayer de ne pas parler pour rien dire. » Essayer, oui. Il a échoué. Juste avec cette phrase-là, il a échoué. Le critique libéral en matière des finances, Pierre Paradis, semble vraiment avoir dit qu'il fallait mettre la poule à la roue. Aïe, des yeux brouillants matin. Oh. Le porte-parole caquiste en matière de finances, Christian Dubé, a-t-il menacé les journalistes? Il a lancé en conférence de presse, et là je cite encore, « Je ne vous rentrerai pas dans le détail, à moins que vous me posiez des questions. » Ça va quand même faire mal se faire rentrer dans le détail. Wow. C'est pointu en plus. Interviewé par Paul Arcand, votre compétiteur direct. Ah oui, tellement. La candidate à la mairie, Mélanie Joly, a eu des propos qui laissent un goût de cendre dans la bouche. Je cite, « La question que les Montréalais vont se poser quand ils vont rentrer dans l'urne. Une déclaration délicieuse du député péquiste Guy Leclerc, un nobody derrière bas. Et je cite, « Alors, au-delà de chacun de nos réalités, de nos pensées, je pense qu'il n'y a aucun doute que l'identité québécoise a quand même des grandes lignes, des lignes majeures. Lorsqu'on parle de culture, que ce soit de langue, de neutralité entre hommes et femmes. Pas d'égalité, de neutralité. Ouais, neutre. On fait rien. Non, la tension sexuelle, ça le préoccupe. Neutre. Face à la corruption, afin d'éviter qu'elle revienne se faire, Jacques Duchesneau a dit « Quelles sont les solutions? » Il s'interroge. « Je pense, la première, c'est de rester indigne. » Je pense qu'il faudrait qu'il appelle ses parents prochainement. C'est le droit chemin. Et là, je me garde quand même la meilleure pour la fin, parce qu'elle est quand même assez longue. Henri Gautrin. Vous savez, c'est celui qui a une barbe blanche qui ressemble à un Père Noël, sa dépression. Là, il est là depuis des années. Il est député de Bedford à Montréal, puis il se fait réélire à 98% à chaque élection. Donc, il est le président de la Commission des finances publiques et mathématicien. Il fut d'ailleurs prof au département de maths et statistiques de l'UDM. Donc, les maths, il connaît ça. Il s'est complètement emmêlé dans ses chiffres, se trompant de quelques milliards. Okay? C'est pas 2-3 piastres. On remarque aussi qu'il a un beau tic de langage. Là, je vais citer la longue déclaration qu'il a fait en commission. Alors, Monsieur le Président, dans le peu de temps qu'il nous reste, vous avez certainement lu le dernier rapport actuarial du RECOP. Le RECOP, c'est le régime de retraite des employés du secteur public, qui a été déposé lundi dernier. Vous avez donc remarqué à l'heure actuelle que pour la première fois, on voyait apparaître un déficit actuariel de l'ordre de 6 millions. 6 640 000. 2 640 millions 40 000. Ce qui est 2 640 000... Merci. Et là, ce qu'il faut dire à l'heure actuelle, c'est que pour stabiliser le régime... 3 petits points, il n'a pas fini sa phrase. Vous n'entendez pas, Monsieur le Président? D'habitude, j'ai une voix qui porte. Alors, je répète, Monsieur le Président... Alors, pour stabiliser à l'heure actuelle le régime, on demande à l'heure actuelle, dans le rapport actuariel, d'augmenter la cotisation pour à la fois le service courant et les rembourser le déficit actuariel. En terminant, remontez, si vous voulez, que 677 à 872, c'est-à-dire une augmentation à l'heure actuelle, si vous comprenez de plus de 40% de la cotisation, alors qu'est-ce que vous allez faire comme gouvernement pour stabiliser à l'heure actuelle la situation dans le RECOP? Si vous comprenez. C'est ce genre de questions-là que j'ai eu à mon séminaire de maîtrise. Là, pour vous donner une idée, c'est, je ne fais pas en mathématiques. C'est fancy. C'est là qu'on... De quoi qu'il parle? Il a fallu que j'aille voir le verbatim pour savoir de quoi qu'il parlait. Puis c'est pas des jokes que je l'écoutais. Puis... Et le verbatim comprend les petits points? Oui, oui, c'est le verbatim, c'est vraiment du mot pour mot. Toutes les citations, toutes les fautes de français, de grand-mère, le joual, c'est là-dedans. Donc, c'est un bijou. Les verbatims de l'Assemblée nationale, c'est un bijou à l'aise. Si tu sais pas quoi faire pendant le temps des fêtes, là, ben oui. Je t'invite à aller lire les verbatims. Merci. C'est comme occupation double. Oui. Sérieusement, êtes-vous... Je sais là, que là, ça se compare pas en tout, mais... c'est peut-être un peu... ça tombe pas mal plus dans le ridicule, là, mais il y a ce genre de verbatim-là pour Occupation double où est-ce qu'on peut vraiment lire ce qu'ont dit les candidats. Mot je n'écoute mot. Pas Occupation double. Jamais. Non, on écoute, on regarde pas. Non, j'ai jamais écouté ça de ma vie. Sauf que des fois, il y a ce genre de citation-là, puis il y en avait une, je m'en rappelle, ça va toujours me marquer. Elle a dit « Toute la piscine est tellement grande! » Je sais pas c'est qui a dit ça. Toute la piscine est tellement grande! C'est ce genre de comme psy verbal. Là, que tout se comprend, mais ça ne veut pas dire que les autres c'est te comprennent. Ça. Fait que, bref, les candidats d'Occupation double, là, c'est les prochains politiciens là, avec la couette. Là. Ben, c'est plein de totons partout. Pauline Marois, es-tu refaite? Permanente, oui. Visage, j'oserais pas. Permanente? Permanente. Oui. Non, elle change de coiffure à chaque fois qu'on la voit à TV. Ben ouais, moi aussi. On me voit jamais à TV. Le Louvre 101, à l'heure actuelle, c'est la fin. À l'heure actuelle, oui. À l'heure actuelle, c'est ça. On va se retrouver en janvier. Oui, monsieur. En ce moment, à l'heure actuelle. Bref. On se dirait janvier. Ouais. Oui. On souhaite une bonne vacance, un bon congé. Merci à vous aussi. Merci. Amusez-vous. Si vous comprenez ce que je veux dire à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on se revoit dans à peu près 72-14 jours. 72-14 jours, milliards de semaines, secondes, heures et autres calculs de temps. Avec 40% de chance d'erreur. Quoi, Mathieu? Tu m'entends pas? D'habitude, j'ai une voix qui porte. 40% de rabais pour cette chronique en magasin. Oui. Si vous voulez acheter le livre verbatim de la chronique. Sur ce, merci encore. Dans quelques instants, ce sera Joanie Gagnon et sa chronique. Alors, on sort. Avant ça, restez là. À l'heure actuelle. Avant ça, restez là. Avant ça, au milliard près. Continuez à se nous sentir. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis en ce jeudi 12 décembre 2013. Il est Jean-Philippe Chabalot. Il est Mathieu Plante. Il est le rayon de soleil en plein dans la face, mais je pense que c'est voulu, hein? Oui, je me suis dit, vitamine D, man. Vitamine? TW40. WD40. Switcher, là. Mom graisser ça. Jiggaloo! Jiggaloo! Non, il fait apparemment, et on va au bulletin météo, il fait moins 1000. N'est-ce pas, Justine, aux patines? Oui. Oui. Il a fallu que j'y pense parce que j'hésitais entre moins 1000 et moins 2000. Oui, mais t'aurais pu le dire. Alors aujourd'hui, il fera entre moins 1000 et moins 2000. Plus ou moins. Est-ce qu'on passe à Joanie Gagnon? Joanie, es-tu apte? Je suis apte. Sauf moi. Moi, je suis pas apte. Hey! Mais toi, t'es apte. Oui, exactement. D'accord, donc voici. Alors, on sort. Salut Joanie! Salut tout le monde, ça va bien? Oui! Oui! Ah, en forme? Oui, une petite grippe là, en cette fin de session. Ça finit bien, tu sais, tant qu'à être stressée. Ouais, c'est ça. Tant qu'à être stressée. Oui, tant qu'à ça. Donc, en fin de session aussi? Oui! Ouais. Et en cette fin de session, c'est Noël bientôt. Vrai. Je vais vous donner une petite suggestion pour une sortie à l'extérieur, même si je sais qu'aujourd'hui, il fait super froid, il fait moins 1000. Entre moins 1000 et moins 2000, mais ça dépend à peu près, là, quel endroit. C'est un approximatif, ouais, c'est ça. Avec ou sans le vent, tu sais. Ouais, sans le vent. Humidex. Oui. Habillé ou non. Le pollen, oui. Ben, si vous habillez, je vous propose Noël en lumière, 14 décembre au 5 janvier, au sanctuaire Notre-Dame du Cap. Il nous présente la 11e édition du festival Noël en lumière, donc décor unique en bordure du fleuve. Il y a des promenades dans les jardins illuminés, il y a des concerts, tout ça dans l'ambiance chaleureuse de la chapelle historique. Et d'ailleurs, il y a plusieurs expositions qu'on peut visiter. Aussi, je vous rappelle, je vous en avais parlé la semaine passée, il y a le marché de Noël du 5 au 15 décembre. Donc, ça finit pas mal en fin de semaine. Donc, si vous voulez aller vous balader sur place, sur le magnifique site, c'est l'occasion d'ailleurs de faire vos achats de Noël, vos cadeaux de Noël. C'est pas fait encore, c'est pas commencé. Hey, je stress, là. C'est pas commencé, mais pas du tout. Tu parles aux deux pays, je pense. Ouais, vraiment. Vite, vite, là. Il vous reste une couple de jours pour aller au marché de Noël. À la place de marcher jusqu'à Noël, courir vers Noël. Courir, c'est ça. Et aussi, je vous parle, il y a deux humoristes qui sont de passage à Trois-Rivières en fin de semaine. Le premier, on le connaît bien, c'est Jean-Marc Parent. Il vient nous présenter son spectacle Torture. Il y a des nouvelles supplémentaires à la salle J.A. Thompson. C'est donc du 12 au 14 décembre. Vous pouvez réserver en ligne sur ovation.qc.ca. Et aussi, un peu moins connu, le protégé de Martin Matt, Adib Al-Khalidé. Ah, oh, il est drôle! Cool. Il est drôle, oui, hein? Oui. Moi, ça fait pas longtemps que je l'ai découvert. Il est super drôle avec ses cheveux, là. Oui. Et son attitude. Ouais. J'aime son attitude. Il va être au cégep de. Ouais, au théâtre du cégep de Trois-Rivières le 14 décembre, samedi prochain. Et c'est ça, il a gradué à l'École nationale de l'humour en 2010. C'est le grand gagnant du concours du Festival de l'humour franco-québécois de Lourdes en France. Il nous présente donc son tout premier one-man show qui est une mise en scène de Martin Matt. Cool. Et vous pouvez réserver également sur ovation.qc.ca. Aussi, ce vendredi, demain, 13 décembre, il va y avoir hommage à Billy Talent par Red Flag au Manchester, ici à Trois-Rivières. En première partie, il va y avoir Phoenix in Flames, un groupe rock de Trois-Rivières, ainsi que Time Crash, un autre groupe de Trois-Rivières. Donc, d'excellents bands qui vous présenteront leurs compos. C'est 9$ à la porte et c'est à 21h et les portes rouvrent à 19h. Et ça, c'est présenté par... C'est fou! C'est fou. Oui. Exactement. Et aussi, toujours ce vendredi, il va y avoir le procès des MC à l'embuscade. Dieu! Exactement. C'est super, pas drôle, mais c'est différent comme concept de spectacle. C'est le beatmaker invité propose 3 beats qui vont être dévoilés lors de la soirée. Et les MC devront composer un texte différent d'environ 1 minute sur les 3 beats. Et ils vont se relancer un à la suite de l'autre. Donc, c'est ça, comme je disais, c'est assez différent comme formule de spectacle, mais ça peut être cool d'aller voir ça. Donc, ce vendredi et demain, à l'embuscade. Aussi ce soir, un autre groupe rock de Trois-Rivières, Wisdom, qui va être au Nord-Ouest Café ce jeudi, ce soir, 12 décembre. C'est le lancement de leur vidéoclip. Donc, ils font un show spécial. Le prix d'entrée est de 7$ et c'est à 21h du côté du Nord-Ouest ce soir. Et aussi, je termine en vous parlant tout de suite parce que je serai pas là la semaine prochaine. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est ça va être le 21 décembre, il va y avoir Final State à la Petite Grenouille. Il va y avoir plusieurs invités surprises. Fine Estate, qui est un band de Québec qui a d'ailleurs tourné leur clip pour la chanson Dreaming Out Loud en Afrique. Et c'est parti d'une idée un peu folle, mais ça s'est réalisé finalement. Donc, ils ont fait une rencontre avec une tribu Maasai au Kenya. C'est super cool. Donc, allez voir ça, le vidéoclip Dreaming Out Loud. Ils sont de passage à Trois-Rivières le 21 décembre prochain à La Petite Grenouille. Super! C'est tout pour moi. C'est tout. Génial. Ben, merci. Merci à vous. Joanie. Moi, ça te dérange pas, je vais aller faire mes courses. OK. De Noël. De Noël. Juste, prends cette case horaire-là. D'habitude, le jeudi, c'est ma case. C'est ta case au point-là. Non, c'est drôle. C'est pour rire, hein? Oui, je sais. On s'aime. Merci, Joanie Gagnon. Merci beaucoup à vous. Comme tu l'as dit, t'es pas là la semaine prochaine. Tu reviens en janvier? En janvier, oui. On s'en parle, tout à fait. Donc, soyez-y pour ça. On va se quitter avec une pièce d'un groupe canadien qui s'appelle Cowpuncher. C'est la pièce Bridesmaids. On écoute ça à Assemblage Requis pour encore une vingtaine de minutes. Puncher et Bridesmaids à Assemblage Requis. Oui, monsieur. Oui, madame et monsieur. Justine. Attention, je vais vous faire une chanson. T'as-tu vu, c'était un beau lien. Jean Leloup? Oui! Oui! Qui me chante du Luc de la Rochelière? Oh. Sérieux, c'est quoi, là? Moi, je sais pas. C'est quoi? Il nous cherche? Ouais. Je pense que oui. C'est lui contre la bunch. Ouais. Moi, je me rappelle d'une chanson classique de Jean Leloup qui nous décrivait comment assembler un machin. Oui, les instructions d'assemblage du machin. Ah oui. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. En 1990. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais. Ça marche pas. Ça marche pas. Je suis jamais dans le temps. Non. J'arrive jamais à le dire en même temps que lui. Il y a le fait que c'est peut-être pas dans le temps. Non, plus, peut-être. Dans la chanson, je sais pas. Je sais pas. C'était pas Jean-Loup du tout, c'était Risque du Plasmique. Oui. Donc, les instructions d'assemblage, qui est notre petit segment trucs et astuces à assemblage requis, on va essayer d'apprendre des choses, apprendre comment mieux vivre, bref. Oui. Commençons avec, tu sais, les petits contenants de coffee mate ou n'importe quel autre crémier à café là, alternatif, mais liquide qu'on achète en épicerie. C'est du petit plastique mou avec un bouchon de plastique plus dur. Là. Oui. T'as sûrement vu ça. Bon, bref, on peut enlever l'étiquette et vider et laver l'intérieur. Et c'est transparent, cette bouteille-là, donc ça va vous faire un contenant pour peanuts, n'importe quoi. Ouais. Très pratique. Et avec le bec verseur, vous allez pouvoir vous verser les peanuts dans la main. Oui. Pour dans l'auto, mettons. Bonne idée, ça. Ouais, très comme bien. Ça, t'en renverses pas partout. C'est ça. Est-ce que j'ai entendu Justine faire... franchement, hey, je mangerai pas ça, des peanuts, je suis allergique. Surtout si ça fait du lait. Ensuite, tiens, j'ai trouvé ça, cette petite carte, cette petite infographie nous montrant comment typer les gens, parce que moi, j'ai vraiment de la misère avec le typage. J'ai aucune idée comment donner pour boire à différents endroits. Là. Et t'as trois colonnes, t'as toujours, des fois, et lors de fêtes ou d'événements spéciaux. Par exemple, dans la colonne des toujours, on dit, bon, les stylistes et barbiers, 15 à 20% du total du coût du service. Chauffeur de taxi, 15 à 20% du total aussi. Ça, je sais pas ça. Serveur-serveuse, 15 à 20%. Thérapeute, genre massothérapeute, 15 à 20. Manucure, pédicure, même chose. Ceux qui s'occupent de nettoyer et coiffer vos animaux, etc. 15% dépendant si votre animal est difficile à entretenir. Ça peut être plus que 15% quand même. Justine, genre raser son alligator. Il mieux typer à 100% à mon âme. C'est un gros défi, ça. Les bartenders, 10 à 15% dépendant de la difficulté de votre drink. S'il y a pas mal d'affaires à mélanger, ça pourrait être plus. Prendre un verre d'eau. 15%. Quelqu'un qui s'occupe de vos sacs dans un hôtel, c'est 2$ pour un sac et 1$ par sac quand vous en avez plusieurs. Mais tu vois, moi, je pensais que c'était ça, le taxi. Je pensais que c'était 1 ou 2 piastres par bagage. Oh. Ben non. Ouais. Peut-être ben. À l'aéroport. Ben, peut-être. Mais peut-être que c'est un surplus quand t'as des bagages, c'est 15 à 20% du total. Plus. Ouais, et en plus, 1 à 2$ par sac, peut-être, dans ces coins-là. Je sais pas. Pour un service à l'auto avec quelqu'un qui s'occupe de votre voiture, on dit 2 à 3$ pour une voiture, 5$ pour un véhicule utilitaire sport, environ. Pas pire quand même, c'est pas trop pire. Pour la colonne des fois, chauffeur d'autobus ou de limousine, 1$ par passager. Okay. Mais il y a certaines compagnies qui n'ont pas le droit de prendre des pourboires. D'autobus, genre la STTR. Je sais pas si j'irai avec la STTR pour les pourboires parce que ça coûte déjà comme 3-4 piastres, cette affaire-là, mais je sais pas. C'est en général pour un autobus, peut-être genre plus voyageur, je pense, d'après moi. Oui, ça doit être ça. D'après moi, c'est quand ça. Tu vas en vacances ou. Autobus voyageur. 1$ par passager, c'est pas ça. Mais mettons, tu sais, avec quelqu'un qui. Tu vas à Montréal en gros autobus, puis tu sais, il y a quelqu'un qui parle. Ouais. Peut-être. Si je leur chante Oh Ursule, est-ce que ça va passer pareil? Peut-être. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette chanson. T'as les sommeliers, les gens qui veulent qui vous conseillent sur l'alcool, sur le vin. Sur les semelles. On dit 15 à 20% du prix de la bouteille. Si la personne vous a vraiment écouté pour vraiment comprendre vos choix, qu'est-ce que vous aimez manger et boire. Au restaurant? Non, quelqu'un dans un magasin de. Ah, okay. Ah mais moi, je me vois pas arriver avec une pièce. Ah, ils sont cul, tu sais. Ouais. Hey, mon chum. Et les déménageurs ont dit entre 10 et 20$ par déménageur pour les déménagements légers et jusqu'à 50$ par déménageur pour quelque chose de vraiment très très gros. Là. Ils sont mieux de rien d'avoir scrappé. Hey, donnez 100$ parce que d'habitude ça vient 2. C'est ça en plus. Dans la colonne des vacances ou occasions spéciales, les contracteurs, les gens qui nettoient votre piscine, le livreur de journal, les gens qui babysitent vos animaux de compagnie et ceux qui entretiennent votre cour arrière ou avant. C'est ce qu'on nous dit dans cette liste-là. Allez voir sur assemblagerequis.com pour les notes complètes de ça. Je sais pas si... Qu'est-ce qu'il y a en avant, en arrière, à ta cour? Tu parles... C'est une affaire de bikini, toi. C'est ça, dans ta tête. J'ai vu venir. Et... je sais. Ensuite, tiens... je trouve ça lourd. Ouais, c'est lourd un peu. Est-ce que vous buvez tous les deux de l'alcool? Je sais que JP est très, très fort sur le vin, n'est-ce pas? Oui. Justine? Un peu? Oui. Est-ce que t'as une cave à vin? Est-ce que t'as plein de bouteilles de vin? Bon, d'accord. Donc, j'ai un cellier plus tout, là. J'ai même un sommelier à maison. Tout le temps, là, je type 15 à 20 % chaque jour. J'ai jamais rapporté la dernière fois. Il était en location une nuit. Donc, c'est toujours bien de pouvoir recycler des vieux objets. Par exemple, prendre votre vieux râteau. OK, on enlève le bout du râteau, le bâton en bois. OK, on lave le râteau en tant que tel. Le bout de métal. On trouve un mur dans la cuisine pour accrocher ce râteau-là. Et une fois que l'endroit est trouvé, on perce un trou et on accroche la tête du râteau sur le mur et on met ses bouteilles de vin là-dessus. Ah, OK, oui, c'est je la pogne. Beau. Je la pogne. C'est très beau. Je te jure. Tu m'enverras ça, man. Montrer à distance, si tu veux, là, c'est le. Ouais, c'est ça, un râteau dur. Là, pas un râteau dur. Ah, ok, les coupes à vin. Les coupes. Excuse-moi, est-ce que j'ai été pas. J'ai pas ben été moi, clair. Je voyais des bouteilles, je comprenais pas. Ben ouais. Les bouteilles, si tu le mets de l'autre côté, ça devrait pouvoir tenir en équilibre, tu sais, s'ils sont pleines. En équilibre. En oui. Tu fais pas mettre en équilibre ton château neuf du pape. Là, non, mais okay, ben, pas en équilibre. S'il te plaît. Mais tu sais, mettons, ok, là, ça va être visuel, là, okay, mais mettons, j'ouvre mes deux doigts. Oui. Ça représente le râteau. OK, ciseaux. Ça représente bien des enfants. Maintenant, l'allumette. Un doigt. J'insère. Ça, comme ça. C'est lourd ici, fait que ça va tenir. Oui. Ah. Cours de formation personnelle avec JP. Un petit scattergories, genre, à la radio, un genre de quiz visuel. Ouais. Mmh. Scattergories est complètement pas visuel en passant, mais... ben, non, c'est vrai, scattergories, non, c'est les mots. C'est ça. Bon, ben, on passe à l'autre. Je sais pas, j'ai du fun sur celui-là. Moi aussi. Mais bon, ensuite, tiens, pour faire un petit snack, une petite collation des fêtes, mais qui ressemble, et là, je vais vous montrer pour que vous compreniez un petit peu ici, là. Mais c'est vraiment joli. C'est des fraises. Donc, on prend la fraise, on coupe le dessus de la fraise, on rajoute une tranche de, mettons, je sais pas, de banane, et on rajoute un petit raisin au bout. Ça va faire un genre de Père Noël collationné. Je trouve ça tellement cute. C'est vraiment beau. Il y a une guimauve aussi sur le sommet, sur le dessous, pour faire la barbe. Ah, donc, c'est guimauve, fraise, banane, raisin. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, c'est ça. Guimauve, fraise, banane, raisin. Steak, banane. ensuite, changez votre réfrigérateur en un genre de bonhomme de neige en prenant des autocollants ou des trucs comme ça, des décals. Pour faire un gros bonhomme de neige, donc sur la porte d'en dessous, d'en bas, on lui colle un foulard et des biscuits Oreo presque, si on veut. Alors qu'en haut, ça pourrait être justement des petits points noirs, un peu comme encore des Oreo, et peut-être une carotte, tu sais, des décals ou des autocollants pour faire un bonhomme de neige sur votre frigo. Parce qu'il est blanc. J'adore ça. Moi, mon frigo est pas blanc. Il est quelle couleur? Il est en stainless. Yeah. Ben, la fancy, madame. Hein? Ben, non, je suis pas fancy. Pas moi qui ai acheté ça. Bon. T'as forgé un bonhomme de neige. Il fondra pas. Non. Ensuite, tu sais, la meilleure façon pour accrocher une grosse veste dans votre garde-robe, encore une fois, très visuel ici, mais faites entrer la fourche de votre support, de votre cintre, la fourche, l'affaire qui est accrochée à la barre, OK? OK? Colin... Je m'exprime si mal que ça. Mais entrez le bout qui s'accroche à votre pôle entre la manche et le corps de votre chandail. Et après ça, pliez le tout sur votre support et ça va tenir mieux. Et vous n'aurez pas... est-ce qu'on se comprend? Oui? C'est vraiment une super de bonne idée, mais il faut que vous alliez voir sur Internet. Oui, ça vaut vraiment la peine parce que c'est vraiment une bonne idée. C'est très bon conseil. La fourche puis tout. Là, ouais, non, mais le truc qui s'accroche à la pôle va dans la manche. En tout cas, bref. La pôle? Ouais, c'est compliqué. En tout cas, c'est ça. OK. Aïe, je m'exprime tellement mal. Comment enlever un écharde maintenant? Tiens, c'est de remplir. OK, prenez une bouteille. Avec l'entrée très, très large, remplissez ça d'eau chaude, presque jusqu'au bout. Ensuite, appuyez votre main contre la bouche de la bouteille, dans le fond, le trou de la bouteille, et la suction va tirer sur la peau, et la vapeur va faire s'écartiller la peau. Vous allez pouvoir retirer l'écharde. Bouteille d'eau de vitre, genre, avec un goulot assez large, rempli d'eau très, très chaude, on met ça sur la main, on attend que la vapeur fasse effet et on retire. Hein? Pas pire, hein? Ah, c'est bon, comme ça. Tiens, quand on regarde, et là, Justine va m'aider sur celui-là, et je suis bien content que tu sois là pour ces affaires-là, mais quand tu regardes le ciel, qui est très, très bleu, OK? Quand tu regardes le ciel bleu avec tes yeux, OK? Ouais. Tu vas voir les petites cellules, les white blood cells dans tes yeux quand tu regardes un ciel très bleu. Ah, c'est ça, je me suis tout le temps demandé. Quand j'étais petit, je pensais que je voyais les atomes. Voilà. Ah, mais tu vois, des cellules les cellules blanches. Oui, les globules blancs. Globules blancs, voilà. C'est le mot que je cherchais. Il y a des globules rouges, des globules blancs dans le sang, des globules blancs à ben des places, mais apparemment, là, il y en a à la surface des yeux, ce qui est tout à fait normal parce que dans le fond, une des entrées les plus faciles pour les pathogènes, c'est par les yeux. Tu sais, ils sont tout le temps ouverts. Hein? Vrai. Pour la majorité des gens, là, je sais pas s'il y a des classes, là, je vais pas me faire actionner. Là. Mais oui, dans le fond, on voit des globules blancs. Tu vois, moi, vous avez un vrai microscope. C'est des bleus, hein. Vous voyez pas les détails. Oubliez ça. Là. Les yeux sont pas assez bons pour voir les détails, mais vous voyez comme des petits ronds. Des petites fourmis, genre des petits ronds. Je sais pas. Essayez-le. Oui. Ça, c'est comme tes halos de chlore. Oui, en sortant exactement. De la piscine. Les arcs-en-ciel de chlore. quand tu magasines, évidemment, bon, ça pourrait paraître évident, mais pour ceux qui ne savent pas, quand vous magasinez, les choses les moins chères sont en haut complètement et en bas complètement des présentoirs dans les épiceries, entre autres. Donc, le milieu est fait pour être plus cher, pour que tu sois attiré par ça. Les personnes à mobilité réduite ou les personnes... Que des rabais. Économise, c'est ça. Non. Ça et la folie des coupons. Hein? Je suis en train de dire justement qu'ils économisent pas parce que les autres sont pas capables de se pencher et ils sont pas bien grands. Je pensais qu'ils étaient plus bas que moi aussi. Ouais. Non, mais mobilité réduite. Les plus bas, mais... ben, en fait, je voulais pas dire les personnes âgées, mais les personnes âgées, s'ils se penchent, après ça, ils craquent. C'est peut-être une généralité. Oui, mais ils ont des cannes, ils peuvent aller chercher les affaires en haut. Oh oui, puis frapper la personne qui essaie d'évoluer. quand tu approches, ah, tiens, ça c'est un drôle de conseil pour les gens qui savent pas lire. Ok, mettons. Tu sais, souvent sur une police, ça va être écrit tirer ou pousser. Mm-hmm. Et là, des fois, tu vas te tromper, tu vas tirer quand il faut pousser le contraire. Quand tu approches une porte, regarde les pentures. Si tu vois les pentures, tire sur la poignée. Et si oui. tu vois pas les pentures, tu pousses parce qu'ils sont de l'autre côté. Puis là, c'est là que tu te rends compte que c'est une porte d'hôtel qui va sur le côté. Ou une porte battante de cowboy. Ouais, c'est ça. Marche pas. Tu risques pas à t'endormir. Tiens, ferme tes yeux, premièrement, bon conseil pour t'endormir. Deuxième conseil, roulez vos yeux par en arrière. Ça fonctionne vraiment très, très bien. Roulez vos yeux par en arrière. Ça fait mal, ça. Et c'est à ce moment que... Tout le monde s'endort. On passe le reste de l'émission à passer 3 tonnes de suite. Indice de plus tôt dans l'émission. Ensuite, le sandwich McCoat chez McDonald's, vous vous rappelez, le McCoat, quantité limitée, durée limitée, etc. etc. Ça contient certains des mêmes ingrédients qu'on utilise pour la fabrication de tapis de gym et de souliers de course. Ah, ben... Pourquoi pas? C'est cool, le McCoat. Fait que... Bon caoutchouc, hein? Ouais. Oh yeah. Toujours dans les trucs et astuces d'instruction d'assemblage, Grand Theft Auto 5, le jeu Grand Theft Auto GTA 5, donne une évaluation psychiatrique à la fin du jeu, basée sur comment t'as joué. Je te jure, à la fin du jeu GTA 5, quand tu le complètes, et je sais pas comment tu le complètes parce qu'il y a tellement d'affaires à faire, mais j'imagine faut que... Faut que t'as violé bien du monde puis tué bien des gars. Là. Probablement. Et ton test psychiatrique va te dire... Comment, qu'est-ce que ta personne est? Oh mon Dieu, moi je serais du genre être genre juste reckless driving. Genre. Moi je prends un char, puis là je fonce partout. J'essaie d'avoir le plus d'étoiles de police possible, puis de m'en sortir. Le meilleur truc, c'est que tu vas à l'aéroport. OK. Puis là, déjà, à partage, je pense que tu as 2-3 étoiles. Oui, c'est vrai. Tu startes pas à une étoile, tu startes à 2-3 étoiles là, parce que t'es un fourrel. Ah, j'avais l'air de me convaincre. Ah oui, ben, c'est ça. Mais j'ai jamais compris c'est quoi les missions. Fait que moi, je fais juste frapper des filles, prendre leur cash, prendre des fusils. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on parle d'un jeu vidéo. Oui, Grand Theft Auto 5. Fait que c'est ça. J'ai pas, moi, c'est, je pourrais pas finir le. Non. Moi, mon résultat serait je comprends pourquoi t'as pas de permis. pour, tu sais, pour. Quand vous avez le nez congestionné, OK? Oui, je t'écoute, Mathieu. JP, écoute-moi. Le nez dans une bouteille. Tu retiens ton souffle et tu vas hocher de la tête en haut et en bas très rapidement. Et quand tu vas reprendre ta respiration, tes conduits vont s'ouvrir plus fort que ça. Comment? Comment? Ah! Ouais, c'est ça. OK. Ah. Ça a marché? Non. Non. Okay. Bon, un échec pour celui-là. Ensuite, tiens... Mais j'ai un torticolis, là. Un torticolis? Pour l'avoir fait. Ben, il y a sûrement un autre truc pour ça plus tard, mais peut-être la semaine prochaine. Oui. Pour l'instant, si tu fais un contact visuel avec une fille, ou un gars, ou peu importe, là, le sexe qui vous attire, souris avant que ton regard s'en aille. Comme ça, tu vas avoir l'air beaucoup moins genre awkward, inconfortable, que si tu fais juste genre te tasser, puis je t'en regardais pas. Pour tout le monde me regarde, là. Sourire. Et là, on s'en va. Là, on se regarde de côté de même. Là, on revient en avant. Oh! Tu vois, c'est ça la technique. Là, tu peux, avec ton petit sourire, tu peux faire un petit bruit bizarre quand même. Un petit rire nerveux. Moi, je fais ça. Ah oui? Ensuite, oubliez les signets ou les marque-pages sur Internet. Faites juste la chercher sur Google alors que vous êtes connecté à Google, votre compte Google, soit avec Gmail ou Google Calendar, n'importe quoi. Et ça va pour toujours être sauvegardé dans ton historique Google sur google.com/history. C'est une place qui est publique là, pour toi, là, juste pour toi, pas publique, genre que les gens peuvent aller voir. Là. J'espère. Mais c'est connu comme service Google History. Donc, vous allez avoir un petit calendrier. Vous allez pouvoir vous rappeler ce que vous avez cherché, mettons, le 15 novembre dernier. Je me rappelle que mercredi dernier, parce que dans la journée, je faisais telle affaire, puis ça me rappelle que c'est un mercredi, puis ça me rappelle que tu vas pouvoir faire des liens puis trouver ce que tu cherchais. C'est vraiment, vraiment le fun. Google.com/history. Ensuite. Sinon, juste à retourner un petit coin de page aussi, des fois. Sur l'écran. Non, mais dans ton livre. Dans ton livre. On parlait pas de livre. On parlait de recherche Internet. Ah. Des signets Internet. Ah, moi, je t'ai le signet de livre, moi, de bouquin. Un signet, là. Tu sais, quand tu lis un livre et t'es rendu à la page 14, tu mets un signet dedans. Et Google. Et Google History t'aiderait comment? Ben là, c'est ça, j'essayais de comprendre. Là, j'étais là, hey, c'est vraiment compliqué, finalement, pour juste au lieu de mettre un petit bout de papier. Wow! Mais j'étais là, tu sais, tu dis, ben je suis rendu. Hey, déjà que je suis pas clair, mais si on m'écoute pas, en plus, ça va être encore plus difficile de comprendre. J'ai juste raté un petit peu le début, je pense. Ça ne prend pas grand-chose pour plus comprendre. Okay. On passe à un autre. JP, va t'aider, ça va t'aider celui-là aussi. Oui, merci. Pour comprendre les autres. Parle. Pour comprendre. Pour aider à mieux dormir, OK? Oui. Monte ton thermostat, OK. Ah, je pense que je l'ai déjà fait, celui-là. Non, mais je cherche pas. Non, OK. Cherche pour moi, s'il te plaît. Entre 65 et 72 degrés Fahrenheit. Entre 16 et 20 degrés. On l'a déjà fait, hein. En 65 et 72, c'est 16 et 20, c'est le temps parfait pour dormir. Oui, c'est la température parfaite. Parce que plus ton corps est froid, plus c'est facile de dormir. Exact. Ben, moi, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Moi, quand j'ai fret, oublie ça. Ben, moi, j'aime ça. Pour de vrai, j'aime ça. J'aime ça être avec une grosse douillette. Là. Ouais, bien moi aussi. Bien dans mes touffles, mais il fait froid dehors. Ouais, c'est ça. si tu vas à l'épicerie ou au magasin, t'es une fille, t'as une sacoche, peu importe qui tu es, t'as une sacoche, passe le truc pour, de la ceinture pour les enfants, là, à travers les poignées de ta ceinture, le truc de ta ceinture pour... genre pour pas te faire voler ta sacoche. Ben oui. Ah, moi, mes clés ont une espèce de gants, puis je les accroche après le panier. C'est parfait, ça. C'est parfait. Je les ai oubliés une fois. Hey, avez-vous vu chez Maxi, c'est rendu qu'il faut que tu payes une pièce de dépôt pour prendre un panier? Oh, mais tu leur donnes à la fin. Ouais, c'est comme un placement à très, très court terme. Mais j'ai pas une pièce, moi, jamais. Moi non plus, ça existe plus des pièces. C'est, mais là, il faut que tu ailles au comptoir de service à la clientèle, comme s'il n'était pas déjà 15. C'est loadé. C'est ça, il faut qu'ils fassent les loteries. Les bouteilles. Les bouteilles, la caisse rapide, ils sont tout seuls souvent. Puis en plus, les tops. Puis il va falloir qu'ils viennent te donner ton petit jeton pour mettre dans le panier. Hey. Mais moi, je comprends pas. Est-ce que ça va vraiment empêcher les gens de partir avec dans les blocs appartements de côté? Ben, je veux dire, moi, j'ai payé pour, je peux partir avec. Ouais, c'est ça. moi, je suis gars de même. Ah, les paniers sont à liquidation. Une pièce chaque. Je peux faire quasiment les paniers chez Dollarama avec un gros bâton de métal dessus, là, tu sais. Oui! Jusqu'au plafond, genre. Mais tellement! C'est tellement mieux. Pourquoi qu'on peut pas juste, genre, avoir tout. Puis, avec un réseau électrique et tout, là, pour faire comme des espèces de cable cars à San Francisco. Oui. Comme ça, ils vont. Tu peux pas quitter. Tu peux pas comme te déconnecter du système. Tu pourrais quasiment charger ton téléphone en le branchant dans le panier. Ouais, c'est comme des auto-tamponneuses, dans le fond, finalement. C'est ça? On va déposer un brevet. Oui. Justine Breno, un brevet. Tiens, ensuite, ne mettez pas vos pieds sur le dash de la voiture, comment t'appelles ça, le tableau de bord de la voiture. Parce que si tu mets tes pieds. C'est sale. Ben non, mais c'est pas ça. C'est plus. C'est pas ça non plus. OK. Mais si tu mets tes pieds du côté passager, le sac gonflable, ça paraît pas, mais est assez sensible. Là, ça vous est jamais arrivé, mais quand ça va vous arriver, watch out, là, ça va vous casser les jambes. Là. Oh mon Dieu, ça serait tellement drôle. Ah oui, hein. Poisson d'avril. vous pourriez vous casser les deux jambes. Oh. Pas juste une, les deux. Les deux. Dépendant de comment vous êtes placé. Oui. Moi, j'ai déjà vu un gars, je sais pas si tu l'as vu le vidéo, il y a comme une toune de drum là, qui joue dans son auto, puis il attaque son ami, genre. Puis là, il fait justement son volant, puis là, waouh, ça c'est un bon solo. Puis toutes les airbags, ils partent à un moment donné, puis il se fait mal. Non, mais pour vrai, on dit que c'est presque comme une petite bombe, les sacs gonflables, c'est tellement c'est puissant comme explosion. Et les bâtons de drum pourraient facilement te rentrer dans. Non, mais il joue avec ses mains. Mettons que t'es drummer, là, c'est comme un adaptateur de clavier pour plugger dans ton auto. Un sourire avec des petites touches. Oui, mais mettons que t'es drummer. Que t'es drummer avec des bâtons de drum dans les mains. Mettons que t'es en train. En tout cas. Mettons que t'es chasseur et t'as un gun dans les mains. C'est ça. Rabat-joie! Votre peau, on va terminer bientôt. Hein. Votre peau se restaure pendant votre sommeil. Okay? Oh. Donc, ça absorbe ce qu'il y a autour de ton oreiller, sur ton oreiller, par exemple. Je n'ai pas la face par en bas. Ben, vous ne trouverez plus votre oreiller. Mais pour vrai aussi, parce que au nombre de fois qu'on lave les têtes d'oreiller, une fois par semaine, mettons, moi, je pense c'est à peu près une fois par semaine ou même aux deux semaines. Non, c'est aux semaines, ouais. Dans le fond, ce qu'il y a sur votre oreiller pendant le reste de la semaine, les 6 jours, ben, Caroline va finir sur votre face. Donc, on vous conseille de vous laver le visage avant de vous coucher. Ben oui. Lavez-vous le visage avant de vous coucher. C'est une bonne idée. Pour pas absorber des choses et créer de l'acné. Ou dormir comme les geishas avec un petit bout de bois en dessous du cou. Mon chat s'appelle Geisha. Geisha. Geisha. Mon chat s'appelle Limoilou. C'est pas mal moins glamour. Hein? Moi, il s'appelle Maurice. Ah, ça, c'est cool, ça, par exemple. Cool. Ben, moi, je pense que c'est un bon moment pour arrêter. Oui, ouais, sur le nom de nos chats. Quand on est rendu parti de chat, là. Parti de chat. C'est là-dessus que se termine notre émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Justine Renaud. Ça m'a fait plaisir. C'est le fun de t'avoir tout le long de l'émission, pour vrai. Oui, non, ben ça, c'est de la procrastination des enfants. T'étais supposé partir, mais t'es resté parce que c'était tellement intéressant. Longtemps. C'est ça. On remercie aussi David Ferron. Oui. François Landry. Oui. Et Joanie Gagnon. Oui, monsieur. Voilà, lundi à l'émission. Là, évidemment, ça va être la dernière semaine de la session, donc c'est pas tout le monde qui va être là, mais on sait pertinemment, Laurent Constantin nous a dit qu'il serait là. Oui. Ouais. Fait qu'au moins ça. On sera là, nous deux. Nous deux. On va vous préparer des petites affaires, là. Pas mal de choses à s'enfirwapper, à vous emballer. À se mettre sous l'oreille, là. C'est ça. Comme un sapin. Ouais, on va se passer un sapin. Dans l'oreille. Dans l'oreille. Bon, je me mets mon sapin où j'en ai envie, Justine, comment? Ouais, oh, juge-nous pas. Enlève l'étoile, par exemple. sinon, ben, reste à l'écoute pour le dîner de con qui s'en vient à 11h. Avant ça, ça va être Les Belles et les Bêtes. Je vais être de retour à 15h avec Stéphanie Paradis pour l'édition complète des Palmarès C'est Fou. Passez une excellente fin de semaine. Ben oui. Toi aussi. À lundi, merci. Lundi, 6h30, en direct à 7h30. Oh, mais n'oubliez pas que vous pouvez aller sur cestfou.ca. Hein? Oui, pour la programmation complète. Oui, sinon, assemblagerequis.com. Pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Oui, puis ben, c'est ça. Tweet in the face, face in the tweet. Face in the book. Face-moi le tweet. Oui, face-moi le book. Et face-moi... FSC. FSC. FSC. Ça t'a traumatisé. Ça, c'est un inside. Ouais. Ouais. Ben ouais. Ouais. Ça va être une belle fin de semaine. Ouais, je pense que oui. Ouais. J'ai hâte aux Belles et les Bêtes. Parce aussi. Que là, sinon, ça va être une demi-heure de musique. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. À moins qu'on t'offre une demi-heure. Mmh, je sais pas. Toi, t'as sûrement des choses à faire. Je pense que oui. Je vais commencer à faire mon ordi dessus, ça va être fait. Ouais, ok. Ouais. Puis placer la pub. Ok. Bye! Ok, bye! Moi, ça me fait rire, c'est pas drôle pour tout. Ouais. Toi? Ouais, moi? Avis de recherche. Avis de recherche? Toi. Toi? Toi. Oui, toi.